Salut, c'est Luc. Juste avant que vous commenciez à écouter le podcast, faut que je mentionne que j'ai fait une erreur sur la date du défi tête rasée. Donc, quand je parle du 6 juin, pour de vrai, c'est le dimanche 3 juin que ça aura lieu. Donc, juste à faire la substitution de la date quand vous allez l'entendre dans le podcast, c'est pas le 6, mais bien le 3 juin. Donc, merci et bonne écoute. Ici Maxime Tremblay de L'Épée Légendaire. Vous écoutez C'est juste un autre podcast avec Luc Desormeaux, Annick Bélanger, Simon Lefebvre et Éric Chamberlain. Ajustez vos écouteurs et montez le volume, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au 7e épisode de C'est juste un autre podcast. Aujourd'hui, on a nos personnes habituelles, on a Simon. Salut. On a Annick. Bonjour. Puis on a aussi notre nouvelle recrue, tout droit de Edmonton en Alberta, parce que nous autres, on croit pas ça, les fuseaux horaires, puis même faire ça tout dans la même pièce. On a Éric Chamberlain. Bonjour. Salut Éric. Fait que comme parce nous autres. À n'importe quel moment, je parte parce que mon puits de pétrole, faut que je change les barils. Hein. Ah, ok. Fait que faut, c'est ça. Fait que Eric est un riche prince saoudien d'Edmonton. Puis c'est lui qui change lui-même ses barils de pétrole avant des ventes sur le marché noir. Fait que s'il nous quitte subitement, c'est parce que le baril dégoutte dans son salon. Exactement. Ça commence bien, ça commence avec plein de n'importe quoi. Puis on a aussi ce soir avec nous un invité spécial pour qui va être nous quelques minutes. C'est un futur coco tête rasée lui aussi. Parce que si vous avez vu un peu sur Twitter, moi j'ai organisé un défi tête rasée. Il y a Simon aussi à mes côtés qui va avoir le coco chenu cet été. Oh non! Et Steve embarque avec nous, donc Steve Desgarry de Geekbécois, la merveilleuse animatrice de Geekbécois Extra. Oui, c'est moi, bonsoir! Bonsoir! Fait qu'il est avec nous pour, on va discuter un peu de ce qu'on pense faire pour le défi tête rasée. Fait que c'était. Je vais pas brûler le punch, mais ça se peut qu'il y ait des têtes qui se fassent raser. Ça se peut qu'il y ait des cheveux courts après cette merveilleuse journée. Moi, vous n'y verrez que du feu. Ouais, parce que Simon, il a déjà les cheveux pas mal. Chenus. C'est pour la cause. C'est pour la cause. Fait que le défi tête rasée, ça va se passer le dimanche 6 juin. Ça se passe à Saint-Zotique. Ceux qui savent pas, c'est où Saint-Zotique. Là, vous prenez la 20, puis quand vous vous sentez perdu, vous prenez la première sortie à gauche. Quand vous manquez de gaz, là, c'est là. C'est ça. C'est pas loin de la frontière de l'Ontario, juste un peu passé Valleyfield. S'il y en a que ça leur tente, je sais qu'il y a du monde du coin. C'est à droite. C'est à droite, ok. À droite, à gauche. Mais ça dépend d'où tu parles. Ça dépend par où tu parles. Mais c'est pas en Ontario, Valleyfield? Non, hein, Valleyfield, c'est pas en Ontario, non. On n'est pas tombé si bas que ça, quand même. On est quand même proche. Ouais, on est assez près. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez exotique. Ceux qui désiraient venir faire un tour, parce que je sais qu'il y a du monde du coin qui nous écoute, parce que j'ai reçu des courriels. Vous pouvez vous inscrire si ça vous tente de vous faire raser le coco avec nous. Ce sera quelque chose de possible. Si vous voulez juste venir nous voir se faire raser le coco, aussi, c'est quelque chose de possible. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Ce sera spectaculaire, feu d'artifice inclus. Et là, tu vas péter le budget qui est de 0$. À moins que tu peux acheter. Ah, ben c'est vrai qu'il y a une place de pétard pas trop loin. Là. Je sais pas ouais, si. C'est ça. Ouais, on cherche donc des commanditaires pour les flartuistes. Ouais, c'est ça. Faudrait que j'aille voir s'ils seraient prêts à nous en donner. Si ta coiffeuse serait contente de voir se péter à côté de sa. Ouais, c'est ça. Fait que normalement, ça devrait se dérouler à l'hôtel de ville de Saint-Zotique. Ça se trouve où ça? À l'hôtel de Saint-Zotique? À l'hôtel de ville. Ok. Ouais, juste à côté de l'église. T'es pas loin, t'es-tu déjà venu? Mais. Je connais tous les villages du Québec. C'est ça. C'est assez proche de l'église, oui. C'est sur la route 338, ce qu'on appelle aussi la principale. L'adresse va être mise sur le site internet de CGUAP avec tous les détails si vous voulez vous inscrire et tout ça. Steve va nous préparer des belles affiches. Je fais faire ça, j'ai sorti mon bâton de colle puis mes ciseaux. ça avec va être tes enfants? Ah, oui, absolument. Avec ses enfants, son catalogue Sears pour trouver des faces de monde qui pourraient avoir l'air de vouloir se faire couper les cheveux. Scrapbooking. Voilà. Du scrapbooking. Skinhead O'Connor. Ouais, Skinhead O'Connor. Fait qu'on... Si vous saviez le nombre d'idées que vous venez de me donner, là, c'est incroyable. Ah, ça va aussi cœur. Ouais, mais tu prends pas de notes, tu t'en souviendras plus demain, on est correct. Tout gratis. Oui, bien sûr, ça va être écœurant. Fait que c'est ça, si vous voulez vous joindre à nous, si vous voulez juste nous encourager en donnant un montant pour le camp, si vous allez sur le cguap.com, j'ai mis une image avec le lien qui vous amène directement sur le site de le camp où vous pouvez nous faire un don. Puis ça s'en va directement à le camp. Il n'y a pas une scène de ça qui s'en vient dans nos poches. C'est encore plus facile que ma collègue de fonds de l'année passée qui passait par PayPal, puis PayPal se garde toujours une cote. C'est parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Mm-hmm. Ça s'en va directement à le camp, fait qu'il y a, ça n'a pas besoin de transiger par personne. Ça s'en va directement à eux autres. Pour un petit peu... Excuse-moi, je voulais juste dire pour un petit peu dramatique. De mon côté, j'ai un ami qui présentement souffre de leucémie. C'est alors, vrai. C'est pour ça que... Salut Maxime! C'est pour ça que je voulais faire ça pour lui aussi. Là. Puis il lâche pas, puis il est proche d'avoir une rémission. Donc ça va bien, mais il faut continuer. C'est ça. Yeah! On a tous connu quelqu'un qui a probablement souffert du cancer ou qui en est décédé. Puis je veux dire, il y a une différence entre mourir d'un cancer quand tu as peut-être 60, 70 ans ou ce que tu as réussi à vivre une vie qu'un enfant de 2-3 ans qui pogne une leucémie puis qui peut pas s'en sortir ou quelque chose comme ça. C'est vraiment différent. Là. Puis c'est vraiment triste aussi là, fait que c'est une de mes fondations préférées, c'est pour ça que je récidive puis que je donne encore à eux autres cette année là, j'essaie de donner à eux autres encore une fois. Je suis sûr qu'avec le succès que tu as eu l'année passée ça sera pas long que dès que la nouvelle va être sortie que le monde va embarquer là-dedans pieds joints là, c'est sûr et certain là. Puis ils savent que c'est quelque chose, en tout cas on le sait, je le sais personnellement que c'est quelque chose qui tient à cœur là, fait que moi, je suis sûr que ça va être un succès. Moi, je te dis, vise le 75 000 piastres cette année. 75 000, hein? No holds bar, hein? T'es à bord haute. On va appeler les gens, c'est quoi? Je comprends pourquoi tu penses que je vais te donner 500 piastres pour laver mon char. Hey, ça, c'était pas supposé ça. Non, mais c'est pas grave. C'était une petite discussion qu'on a eue avant d'enregistrer le podcast. Mais... Ouais, c'est ça. Fermez tous vos yeux. Imaginez-moi en bikini avec une éponge en train de laver un char. Et je m'épile pas. Voilà. Fait que je pense, Luc, si tu veux avoir le 75 000 $, c'est très facile. Appelle tes contacts chez Ubisoft et t'as juste à mettre en vente une copie de Deus Ex Human Revolution 2 qui est pas encore sortie. Mais je vais juste te corriger. C'est parce que si j'appelle chez Ubisoft, je demande une copie de Deus Ex, ils vont me revirer de bord. Ouais, parce que c'est Eidos qui fait. Mais ça pourrait être difficile. Je pourrais me faire dire plus jamais tu vas mettre les pieds ici. Mais oui, c'est ça. Ils travaillent sur d'autres choses. Je sais qu'ils travaillent sur Thief Cat, entre autres. Puis on sait tous que ceux qui écoutent Radio Talbot, Denis a commencé à travailler sur un nouveau making of. Mm-hmm. Fait que c'est soit Deus Ex Cat ou Thief Cat, là, j'imagine qu'ils vont qu'ils travaillent dessus, peut-être les deux même tranquillement. Là. Je sais que Thief, il avait déjà parlé qu'il était déjà en développement, là, fait que c'est probablement là-dessus. J'ai l'impression que c'est là-dessus que Denis va faire son documentaire Making Of, vu qu'il a déjà fait Deus Ex la dernière fois. C'est ça, documentaire qui était excellent. Maintenant, mais... vous pouvez bider sur une copie de Thief Cat. Non, pas tout de suite. C'est pas fait encore. Sa chère commence à 74 500 $. Ah, ben écoute! Ou Buy It Now à 75 000. Et tous les profits iront à Lucan. Non, c'est on a beau niaiser, là. Mais non, c'est sérieux. On va commencer par se faire raser le coco, puis on traversera le Thief 4 quand on sera rendu là. Mais c'était quand même dans mes plans d'en faire un comme j'ai fait pour Deus Ex avec Thief 4 si les gens qui ont été impliqués la première fois là, sont encore intéressés. Là. Fait que c'est ça. Fait que pour le tête rasée, on devrait probablement enregistrer quelque chose sur place si tout va bien. Fait que si vous voulez venir voir un peu, nous rencontrer, je sais qu'on n'est pas des grandes vedettes, mais quand même, Steve, oui, je sais. Là. Mais... Écoute, j'avais hâte que tu en parles parce que là, c'est pas pour rien. Là. Attendez une minute, je vous ai dit, vos autographes, c'est tantôt. Ben, ton agent m'a appelé tantôt. Tu as pété mon entrée. Bon, quoi, excuse? Ton agent m'a appelé tantôt et il m'a dit que j'étais mieux de faire attention à ce que je te pose comme question. Fait que je veux dire. T'sais, on vient de le voir aussi tantôt. C'est ça. C'est toi, la, c'est toi la vedette. Ça se peut que mon agent ait la même voix que moi, mais il a fait ça pas de cas. C'est beau, pas de problème. Fait que c'est ça, Steve. Je sais que tu vas travailler un peu avec nous autres pour ça. J'aimerais ça. Tu aimerais ça, oui. On va essayer de ramasser le plus d'argent qu'on peut. Si ça vous intéresse de nous supporter là-dedans, tous les détails sont sur le site internet. As-tu quelque chose à rajouter, mon Steve? C'est ça. J'ai commencé à en parler avec ma gang de Geekbécois. Puis, à date, j'ai une personne qui est intéressée, c'est Laurent. Laurent Chouinard qui participe à nos podcasts, puis qui écrit pour le site. Puis, évidemment, la moindre, avant que je mange une poêle en arrière de la tête, Lynn, ma blonde. Oui, Lydia, bien sûr. Qui anime son propre podcast, le gros podcast mensuel de Geekbécois, qui sera sur place et qui en fera peut-être plus que certains autres. Ben, peut-être bien, parce que tout le monde sait que Lynn est coiffeuse de profession. Ben, le monde le sait maintenant. Ben, ben, elle parlait qu'elle était coloriste, déjà, le monde le savent un peu, qu'elle suit sur Twitter, savent qu'elle est coloriste. C'est ça. Puis... Mais, oui, vas-y, excuse, continue. Fait que c'est ça. Puis aussi, il ne faut pas oublier que Denis vous a souhaité félicitations pour votre enfant hier à la télévision. Et j'aimerais faire de même. Félicitations pour un nouveau bébé. Ben merci. Hey, Lynn, Luc, il dit félicitations pour notre nouveau bébé. Et Simon aussi. Ah, et Simon aussi. Bien sûr. Bon, elle n'a pas d'énergie. Elle est encore en train de s'en remettre. Oui, j'imagine que ça ne fait pas tellement longtemps. C'est très frais. D'ailleurs, je viens d'échapper le bébé. T'as-tu... Ok, c'est quand même ça rebondit, c'est pas grave. Comment que c'est dans mes bras. Bon, fait trêve de n'importe quoi. Fait que, ça veut dire que je m'en vais, ça. Non, ça veut pas dire que tu t'en vas. Tu peux rester un peu si tu veux encore. T'as juste à nous dire quand tu voudras quitter. On va commencer le podcast régulier. On va y aller avec notre première chronique aujourd'hui, qui est la chronique à Simon. Puis, hey. Simon, je sais que tu vas nous parler d'un animé. Je voulais parler d'un animé, oui, exact. Mais sauf que je me rappelle pas du nom que tu m'as donné, fait que je vais te laisser la place. Ah, ben c'est donc fin, ça. Donc, ben c'est ça. C'est là? C'est là. OK. Donc, Steve, arrête de... Non, ça va? Steve? Steve t'écoutes? J'arrête de quoi? Moi, Steve, t'arrêtes de niaiser. Steve peut rester aussi longtemps qu'il veut, il n'y a pas de problème. Ben, ce que je vais faire, je vais faire une expérience temporelle. Je vais vous quitter maintenant. OK. Puis je vais écouter le reste du podcast lorsqu'il sera diffusé. Fait que là, c'est comme, je m'entends, mais je suis comme pas là. En tout cas, c'est fucké. Là. Mais excusez, je vous quitte. OK. Ben, merci, Steve, d'être passé. Hey. Ça m'a fait plaisir, puis je vais m'arranger pour promouvoir ton super beau projet un peu partout, puis on s'en reparle, j'encourage tout le monde à participer, c'est très important, puis Luc il est super gentil. Puis c'est quand la date? C'est le 6 juin. Okay. Puis oublie pas que c'est pas juste mon projet, t'en fais partie aussi parce que tu vas perdre tes cheveux. Fait que c'est ça, non. Et puis je viens d'avoir une confirmation de la grande boss du site web Web et Mascara. Oui. Puis qu'elle en fera un article sur son site, fait que voilà. Ah ben c'est extraordinaire, ça tombe bien que la grande boss, c'est ta femme finalement, ta blonde. Ouais, ben c'est ça. T'es comme connecté. Ouais, ben écoute, ça roule la synthétique même. Ah ouais, le monde ne savent pas, c'est un petit patelin, mais hey, c'est big, big, big, hein? C'est le centre mondial de... Ok, j'arrête ça là. Bonne soirée, bonne chose. Merci Steve. Salut Steve, merci. Bye. Bon, ben là-dessus, on va vraiment commencer. Simon, je te laisse la place. OK, ben c'est parti. Alors, bonjour ou bonsoir, selon le moment qu'on écoute. Bien sûr. Les nostalgiques, et bienvenue aussi aux autres qui n'ont pas eu plaisir vraiment délectable de savourer nos dessins animés d'antan. Oui. Hein? On a regardé un peu ce matin, même à la télévision, des affaires qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Les Kalinours qui jouaient matin à Télétoon Rétro, puis des choses comme ça. Quoi, OK, Steve, tu peux revenir finalement. Non, c'est beaucoup. Kalinours, c'est le chien encore là. Attends, tu veux le donner par les sentiments. Non, pour vrai, je raccroche. OK, excusez, je vous aime, bye. Bye, salut. Alors, l'animé dont je vais parler aujourd'hui, et non, ce n'est pas Albator, ne vous en faites pas. Par contre... J'ai pas dit le contraire, vous allez même entendre un extrait aussi. Hop, un instant, on avait perdu. Ah, Eric? Je suis là. Ouais, attends un petit peu. C'est la... T'as pas juste flushé Steve, t'as flushé. Non, c'est Steve qui a Allô? Tout flushé. Ouais, Steve, c'est parce que quand tu raccroches, ça flushe Eric aussi. Ah, Mais la gang de geeks de quoi qui essaye de hacker ton podcast. Hey, je te dis, c'est un hostile takeover. Moi, si je m'en vais déjà, ton projet tombe à terre maintenant, c'est pas vrai. Ouais. Que dois-je faire pour me libérer? Ben, je vais te libérer, puis je vais rappeler rapidement Eric. Ok, hey, bonjour. Merci. Merci, Steve. Salut, là. T'as pas long, Eric, je te rappelle. Il est de retour. Oui, je suis de retour après avoir eu un petit moment tout seul avec Steve. Ben ouais, c'est ça. En bikini. En bikini. Fait que si tout va bien, je vais couper ça au montage. Sinon, ben vous allez l'entendre parce que c'est comme un blooper. Puis c'est ça. Fait que Simon, tu peux commencer si tu veux. D'accord. Alors, comme je disais, en fait, vous devriez avoir entendu déjà un petit extrait d'Albator. Mm-hmm. Et donc, comme aussi on s'en fait pas, là, j'en parlerai pas. Par contre, ben l'animé que je vais parler aujourd'hui, il semble un peu tiré par les cheveux, mais je le compare les deux un petit peu, là. Donc, c'est sûr, à ma manière, on a un vaisseau spatial, un pirate, donc une pirate de la guerre. Donc, je me disais, ça s'approprie un petit peu, là. Ouais, un petit peu. Ben ouais. Donc, sans plus tarder, je vous donne le titre en japonais. Allez-vous. C'est Moretsu Pirates en anglais. Je suis pas prêt. Ah, Eric, excuse-moi. C'était pas fait mal. Non, okay. Ça va. Okay. Ça a l'air douloureux. Okay. En anglais, c'est Bodacious Space Pirates. Et j'ai fait un petit peu de Google recherche à savoir c'est quoi Bodacious. Mais ils ont fait un mix de deux mots. Puis si je traduis en français, ben c'est ambitieux, prodigieux. Là. Ok. D'accord. Donc, sans plus tarder, je vais aller avec l'histoire de ce petit animé-là, qui tourne autour d'une jeune élève du secondaire énergique nommée Marika. Elle s'occupe avec son club de bateaux de l'espace et aussi son travail à temps partiel dans un café rétro haut de gamme. Okay. C'est pas rien. C'est un beau jour, deux étrangers apparaissent et se disent être les membres d'équipage de son défunt père. Ce qu'elle savait pas, là. Elle apprend aussi tout ce qui se passe. Puis sans plus attendre, il demande à Marika de prendre la place de son père et devenir commandant du bateau pirate Bentenmaru, qui signifie en français bicentenaire. Il y a plus d'un siècle, un contrat avait été établi avec un bateau durant la guerre de l'indépendance et, suivant ce contrat-là, ce qui stipule, c'est que le bateau doit être hérité par le descendant direct du capitaine. Donc, ça explique le pourquoi ils sont venus chercher Marika. Ben, c'est la descendante. Eh ouais, avec là, elle se trouve embarquée dans cette histoire de vie de pirate de l'espace, et donc le reste s'ensuit, là. Si j'en viens à parler au niveau de la production, c'est fait par Satellite. Je peux passer le reste, là. Au niveau du genre, c'est vraiment, science-fiction. Mm-hmm. Hein, ça se passe dans l'espace. Donc, ceux que les fans qui ont aimé ça, c'est pour ça que je faisais un rapprochement avec Albator. Ça se rapproche un petit peu. Ça contient 26 épisodes, tout l'animé au complet. Okay. Mais on en est, je crois, au 7e présentement. Fait que c'est un animé récent. C'est en cours présentement. Okay. C'est un qui fonctionne pas pire là, en tant que tel. Le rating, si on avait à mettre une note, là, une cote pour les gens qui s'inquiètent à savoir quel âge que je peux faire écouter ça, c'est PG-13, donc les enfants ou adolescents de 13 ans et plus. Ça tourne pas mal à ce niveau-là. Puis c'est ça, comme j'allais dire, c'est très léger comme animé. Là. Il y a un petit peu de comédie. L'héroïne, elle veut être une pirate. Plus on dirait pour le kick. C'est plus un kick d'adrénaline. Mais quand même pas pire. Là. Vois-tu, elle veut juste pas d'attachement, pas d'encombrement, elle veut rien là, de sérieux. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas, là, j'en suis jusqu'au 7e épisode. Mais par contre, on voit qu'elle a vraiment le déclic rapide, c'est-à-dire elle pense rapidement pour pouvoir faire des décisions, ses choix. Mais des fois, les choix qu'elle prend, ben, elle doit apprendre à ce qu'elle fasse des faux pas, là, à en rire surtout. Donc, il donne quand même un petit peu de leçon de vie qu'il essaye de faire dans l'animé. Là. Pas si pire, mais c'est ça. En considérant qu'avec les lasers qui tirent dans ta direction, j'imagine qu'un faux pas, des fois, pourrait être fatal. Là. Donc, ça a bien y pensé. Là. Donc, bref, comme on est juste vraiment au début là, de tous les épisodes, de toute la série, le reste semble quand même prometteur pour ceux qui aiment les aventures dans l'espace, sans vraiment trop se casser la tête, je dirais. Là. OK. Tu sais, je veux dire, c'est un bon 24 minutes. C'est investi à passer devant la télé, devant le tube, comme on appelle ça. Mm-hmm. Donc, si j'ai une note à donner, pour moi, on sait que moi, et toi et moi, nos notes, on a de la misère avec ça, mais on va finir par s'entendre un jour. Moi, je donne 6 sur 10. Donc, c'est passable. C'est à regarder lorsque vraiment vous avez fait le tour de tous vos animés préférés. Puis, vous avez quand même une rage d'animés qui vous pogne subitement, là. Ben oui, vous pouvez le voir, puis vous allez peut-être quand même trouver... moi, j'imagine qu'il peut y avoir un développement qui va avancer. Ça sera peut-être pas nécessairement la même chose épisode par épisode. À un moment donné, ça va débloquer. Ben, j'attends au moins à ce qu'il y ait un milieu de saison, là, un plus. Mm-hmm. Puis après ça, ben, peut-être une continuité. Là. Mais c'est ce que j'espère. Mais quand même, ça vaut la peine pour ceux qui aiment ça dans l'espace. Là. C'était mon petit animé là, de ce podcast-ci. Ça va être un animé qui va finir en 26 épisodes? Oui. C'est décidé, puis ça ira pas avec une deuxième saison. C'est pas supposé. C'est 26, puis c'est terminé. Fait que si t'es rendu à moitié, puis ça lève pas, ben, c'est parce que ça lèvera jamais, probablement. Là. Ça va être quelque chose qui va être... Mais pas nécessairement disais, plus que ton 6 sur 10 là, pour le restant. C'est quand même 26 épisodes. Ouais, ouais. Fait que si t'es rendu à 13, je me dis, pourquoi pas le terminer? Non, ils vont terminer quand même. Je l'ai vu... Oh, oui, c'est ça, mais je veux dire, pour toi, là, de voir l'histoire, si tu vois que c'est toujours du pareil au même et autres, que ça débouche sur rien, mais c'est quelque chose que, tu sais, tu vas voir tes animés préférés en premier, puis tu dis, oh, j'ai encore un petit peu de temps, je vais le regarder, là, j'ai un petit 20 minutes, tout. Au moins, finir l'histoire. Exact, puis après ça, tu passes à autre chose, là, mais c'est quand même cute. OK. Merveilleux. J'ai une question. Oui. J'ai levé ma main, mais vous m'avez pas. On n'a pas fait l'appel vidéo. La prochaine fois, on fera ça vidéo. Tu compares ça un peu à Albator dans le sens où c'est les pirates. Est-ce qu'on oui. peut s'attendre au genre, même genre d'histoire? Parce que je sais qu'Albator, c'était quand même assez violent par bout. Il y a des gros combats. Puis tout. Est-ce que c'est plus ça ou c'est plus histoire de petits amis ensemble qui s'en vont se promener en vaisseau? Je crois que tu simes pas mal le deuxième choix. Comparé vraiment à Albator, là, ça semble être plus cute. Que trop axé sur la guerre, donc c'est plus interaction à comment un capitaine doit prendre des décisions, puis avec un équipage en jeu. Fait que oui, je te dirais, là, au niveau de la violence, j'en ai pas vu encore, mais on est encore au 7e épisode. Les animés, ils gênent pas pour ça, mettre ça violent dès la première minute. C'est pour ça que. Ouais, mais c'est PG-13. Ok. Donc... Et c'est quoi ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font dans les épisodes? C'est les pirates, est-ce qu'elles volent des trucs ou est-ce qu'elles récupèrent des trésors? Présentement, c'est plus au niveau du cyberespionnage, c'est-à-dire ils vont essayer de pirater d'autres vaisseaux. Il y a un vaisseau fantôme qui apparaît et qui essaie de, dans le fond, de détruire son propre vaisseau. Et donc, elle, parce qu'elle semble être une menace présentement, parce que c'est elle, la prochaine capitaine du bicentenaire, là, du Benten Maru. Là. Donc, il s'ensuit qu'elle se fait... Tu sais, s'ils prennent possession électroniquement de son vaisseau, ils peuvent arrêter les moteurs ou n'importe quoi. Ben, c'est ça. Fait que je me dis, oui, il y a peut-être un petit peu de danger là-dedans, mais c'est pas à l'extrême, là. C'est vraiment une touche moderne. Ils ont mis tout le piratage informatique là-dedans. Ouais, mais c'est comme je te dis, là, tu le vois pas ce qu'ils font tout le temps, là. Il en passe, là, mais oui, ça touche pas mal à ça. Là. Fait qu'il y a autant du piratage dans l'espace que du piratage électronique. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est probablement plus... Ben, c'est quand même bizarre parce qu'on trouve que certains animés aujourd'hui sont violents, mais ce qu'on écoutait quand on était jeune, il y a des passes dans Goldorak puis des passes dans Albator qui étaient quand même assez violentes. Puis ouais. Dans ce temps-là, on n'en faisait pas nécessairement de cas. Puis aujourd'hui, tu verrais les mêmes choses dans des dessins animés à télévision. Puis on est choqué. Le monde, sont choqués de voir que c'est tellement violent. Mais dans notre temps, je veux dire, c'était pire par bout. Mais personne ne se scandalisait avec ça. Mais c'est sûr que la société a évolué aussi. Là, mais des fois, c'est pour le meilleur, des fois, c'est pour le pire. Là. Et juste l'autre fois, j'ai retombé sur un épisode du Petit Castor, puis je trouvais ça hardcore. Juste au point de vue émotionnel, là, c'était... Ben, les affaires, j'étais là, c'est pas pour les enfants, ça. Regarde, c'est ça, comme Annick a dit, Déméthane. Des fois, là où... Il mange une volée. Ben, il y a l'abeille, les enfants de même. Rémi sans famille, oh, oui, la Belle et Sébastien, je veux dire... Et leur mère était tout le temps morte. Ben oui! Ouais, c'est toujours ça. Toujours la maman. Tout le temps. Fait c'était peut-être dur de la dessiner. Peut-être qu'il était pas capable de dessiner des femmes comme d'allure, fait qu'il les faisait mortes. Non, mais c'est ça, c'est je me rappelle des épisodes de Déméthane, c'était vraiment comme... C'était traumatisant en étant enfant de voir des choses qu'ils faisaient des fois, qu'ils se faisaient torturer, puis t'inquiète. Ben, les parents faisaient pas de cas, t'écoutais des bonhommes. C'était pas grave dans ce temps-là. C'était une grenouille, c'est ça. C'était juste une grenouille, c'était pas grave. Fait que, mais ça a changé, fait que... Puis ton émission, côté graphique, ça ressemble à quoi? Côté dessin, c'est-tu... Ouais, c'est-tu les filles à grosses boules? Non, c'est ça. Je vais faire une différence parce que je vais en parler de d'autres animés où il y en a un qui s'est vraiment accentué là-dessus et que... Bon, je déteste pas, disons. Oh oui, j'imagine. Non, mais on parle de l'histoire. J'aime bien l'histoire, là, le contenu. Je vais vous l'expliquer parce que, tu sais, comme dans mes jeux, lorsque je joue au MMO, j'aime bien avoir un thème vraiment plus dark. Oh oui. Bon, ben, ça va. Je vais en parler de celui-là, mais je vais le spécifier. Fait que c'est pour ça, si je reviens à dire PG-13, là. C'est vraiment clean. Lorsque je vais mettre comme genre, au lieu de science-fiction, harem. Mais là, c'est ça, c'est qu'en réalité, c'est centré autour d'un gars et qu'il y a toujours comme 5 filles. Je sais pas, ils sont stickés là-dessus, les Japonais, je sais pas pourquoi, là, mais il y a tout le temps 5 filles, puis on dirait qu'ils ont les cheveux tout le temps la même couleur, là, chacune différente. Là. Mais c'est ça, c'est que tu peux en trouver avec une poitrine un peu plus volumineuse et autres. Mais c'est parce qu'il se fie aux normes, il y a au moins 2 femmes pour un homme sur la terre. Ben ça, j'ai rien contre, là, mais je veux dire, ça, je parle pour moi, mais... Bon. Fait qu'on va passer à notre prochain sujet. Merci, oui. T'avais-tu d'autres choses là-dessus? Non, au niveau de l'animé, moi, c'est terminé. Là, j'ai fait le tour, à moins qu'Éric ait une autre question en rapport avec ça, ou... Non, ben, je regardais des photos en même temps que tu parlais sur les internets, puis c'est ça, je voyais comment ils sont habillés, puis tout, puis évidemment, ils sont tous habillés en écolière. Oui, c'est pas mal une thématique de filles du secondaire, là. Puis okay. Il a l'air d'avoir de ces fameuses animations quand ils sautent dans les airs avec des lumières puis des lignes qui passent vite en arrière d'eux autres. Là. On appelle ça des lasers, là? Ouais. Ouais, okay. C'est ça. OK. C'est bon. Il y a tout le temps ces scènes-là dans tous les animés où le background passe bien vite. Là, puis c'est du classique. Non, c'est bon. D'accord. Merci, Eric. Alors, évidemment, le temps est venu pour moi de parler un peu, au moins, de MMORPG. Ouais. Hein, que pourrais-je faire sans ça? Mais avant tout, je vais ouvrir une parenthèse. Oh, OK. Même si Diablo 3 semble toujours être un bon vieux hack and slash, et donc n'est pas un MMO, je vais quand même, évidemment, en parler, parce que pour moi, c'est un coup de cœur. C'est quelque chose qui me tient. Peut-être pas toi, mais moi, oui. Alors, c'est sûr que je vais élaborer plus en détail lorsque je vais mettre la main sur mon Collector Edition, qui est déjà légion qui arrive, là, en fait. T'as pas eu accès à la bêta? T'as-tu eu accès à la bêta? Pas encore choisi. Et, je travaille fort, mais non, ça donne pas. Donc, pour l'instant, c'est ça. On attend encore sa sortie, qui, on a su, dans un futur proche. Oui, ça, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est ça. Mais ils ont changé de soon à un futur proche. Donc, bref. J'espère que c'est pas... juste traduit. Mais quel des deux qui est plus proche, soon ou d'un futur proche, ça dépend de... Okay. Sérieux. Alors, j'espère que c'est pas vraiment à cause des consoles, parce qu'ils ont parlé aussi que Diablo 3 allait être sur console. C'est sûr, sûr, sûr. Ouais, mais je sais pas s'ils veulent retarder, parce que là, ils veulent déployer ça à grande échelle, et ils ont été retardés par les Coréens, on le sait. Mais maintenant, je crois qu'au niveau, à cause du bêta, justement, que les gens ont écrit peut-être qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Ouais. Ils sont en train aussi de réviser certains systèmes. Ils n'auront pas le choix parce qu'il y a bien des gens qui sont déçus. Ben c'est ça, puis ils veulent pas se planter là, donc. Ils peuvent pas se planter. Mais d'après moi, ils vont se planter. Ben, je sais pas, mais moi, je voudrais juste lancer ça comme ça. Mais pensez-vous que Nintendo a allongé du cash sur le côté pour qu'ils attendent le plus proche possible du lancement de la nouvelle Wii? Moi, je penserais pas. Je suis pas certain. Je pense que s'il y a une console que le jeu sortira pas dessus, ça va être la Wii U. Je suis pas mal un peu d'accord, mais je serais vraiment agréablement surpris, mais sait-on jamais maintenant, là, mais oui, ben, j'en doute. Je suis sûr, au gros minimum, il le retarde pour pouvoir sortir une version Xbox en même temps que la version PC. Ah, ça c'est sûr. Donc c'est ça, ça avait parlé aussi qu'un producteur avait quitté le navire là, et tout ça, donc peut-être le temps de se faire remplacer, puis de regarder tout ça, et afin de remettre ça en branle. Une sortie peut-être pour le deuxième quart, donc j'imagine jusqu'en juin. Hey, ça irait-tu pas bien que nos cocos rasés? Ça pourrait être pas pire. Wow. Donc, cadeau de consolation pour ton pitch feu. Alors, patience, les amis, ça s'en vient. Donc, maintenant, Rift! Ben oui. Wouhou! Commence par le début. C'est ça. On va te laisser aller, puis on en discutera plus tard. Parfait. Donc, c'est ça. Écoutez, Rift, maintenant, est rendu en version gratuite. Faire attention, c'est jusqu'au niveau 20. Donc, c'est Rift Lite. Puis, c'est ça. On peut passer à ta chronique? Ah non, OK. Ils ont fait exactement comme World of Warcraft. Le gameplay est presque identique à World of Warcraft ou Star Wars, mais. Ouais. Clic, point and click. Ouais, il y a bien des choses qui m'énervent, mais on en reviendra plus tard. Parfait. Mais regarde, je vais en parler une petite affaire, mais au niveau graphisme, je dirais correct. Ouais, c'est joli. Là. Pas vraiment impressionnant, c'est pas mal du standard. Moins que Star Wars. OK. Comparé à World of Warcraft, je ne pourrais pas dire, je ne l'ai pas joué. Ben, c'est d'une catégorie que je disais qu'on n'en parlerait pas, World of Warcraft, mais... Juste pour comparer les graphismes, je veux dire. C'est... Eric, est-ce que tu as joué à World of Warcraft? J'essaie d'éviter ça, merci. D'accord, okay. Ouais, un autre fan. Super. Non, mais je suis un gros fan de tout ce qui est Warcraft. OK. J'ai vraiment pensé deux fois, parce que moi, les Warcraft 1, 2, 3, là, j'ai tout joué à ça, puis mais... J'ai pas assez de temps à investir dans un seul jeu comme ça. C'est ça. Parce qu'après ça, si tu joues pas à ça, tu te sens coupable, puis tu hésites de jouer à d'autres choses. Fait que c'est un peu ma situation avec Star Wars, mais c'est ça. c'est rien contre World of Warcraft, c'est en fait quelque chose contre toutes les MMO, j'ai pas le temps. C'est ça. C'est-tu plate, hein? Je vais prendre ta place, Eric, y a pas de trouble là-dessus. Mais c'est ça, juste pour dire, au niveau des graphiques de WoW... je dirais que c'est fait plus américain, puis ils ont fait ça en cartoon. Ouais. Okay. Puis c'est pas beau. Ok. Donc le jeu est peut-être intéressant et autre, mais pour moi, j'accroche pas. Et puis j'ai besoin d'accrocher au niveau graphique pour me sentir immergé. Ouais, exact. Puis non, okay. Fait que non. C'est pour ça que je dis que c'est correct. Fait qu'il se situe World of Warcraft, Rift, c'est correct, là, ouais. Mais ça reste du moins pour moi, là. Bah. Ouais. Ben, Riff, je l'ai trouvé joli. Les environnements sont beaux, les personnages sont corrects. OK. Donc, c'est ça. Écoute, je dirais vraiment une copie là, par une compagnie qui voulait vraiment sa part de gâteau du marché, mais qui semble avoir de la misère à percer parce que, bon, il y a d'autres jeux qui sont un petit peu plus incitatifs là, qu'on veut embarquer, comme là, ben là, c'est sûr, Star Wars. Fait qu'ils doivent, selon moi, ils vont devoir débloquer ça. Moi, je trouve que c'est vraiment leur dernière tentative de mettre ça jusqu'au niveau 20, mais à un moment donné, ils vont peut-être devenir free-to-play aussi, là, complètement. Là. Un peu comme d'autres ont fait par après d'avoir par sorti suite. Payant, là, oui. Comme Star Trek Online, des affaires comme ça, c'est qui ça. Sortaient payant au mois comme... Dungeon and Dragon. Ouais, c'est ça. Conan? Age of Conan. Age of Conan, des choses comme ça. Ils ont toutes parties payant par mois, puis elles sont venues free-to-play. C'est ça. C'est alors. Vraiment la courbe inverse des jeux qui sont pas MMO là, présentement, l'industrie, on dirait. Hein? Toutes les MMO, il y en a beaucoup qui s'en vont gratuits. Puis à l'inverse, on a les jeux normaux qu'on achète au magasin, puis ils nous rajoutent du DLC, puis ils nous rajoutent des affaires à payer en plus. T'sais. C'est ça. Ouais, c'est un monde différent, mais faut vraiment que tu accroches quelqu'un solide pour y faire payer 15$ par mois pour jouer à un jeu, tandis que des fois. Mais acheter une épée à 10$, puis acheter. La personne va dépenser presque autant au bout de la ligne. C'est juste que il n'est pas pris à payer à chaque mois. Ce qu'on avait déjà discuté lors d'un autre podcast. Ouais, c'est ça. Ben, comme Call of Duty Elite, c'est presque rendu un système de MMO. Les gens vont payer pour avoir des nouvelles maps à chaque mois, puis ils vont payer pour avoir des guns d'extra. Ouais, c'est ça. Donc, si je veux revenir à Rift. Ouais, Rift. Ouais. Le système de quête, là, vraiment, est comme les autres. Pas nécessaire de tout lire l'histoire que le NPC, là, le personnage non-joueur, veut nous donner. On clique, et voilà. On regarde la minimap, on dit « Ah, tiens, il y a un autre point d'exclamation vert. » On s'en va là-bas, clique, on fait la même chose, clique. Là, on sait qu'on a besoin de tuer tant de monstres comme d'habitude. On y va, on fait ça. Et j'ai remarqué que ça avait l'air, jusqu'à maintenant, plutôt facile. On est mort une fois. Vraiment, on s'est pogné un spot difficile. Ouais, on a pogné un spot vraiment difficile, peut-être plus fort que nos personnages l'étaient. Là. Il y avait des loups partout, il y avait des monstres partout. Ah oui, on est allé plus loin que prévu. C'était pris d'une place dans la carte parce qu'on devait peut-être pas être. Là. On approchait d'arrêter de jouer aussi. Oui, c'était vers la fin. Là. On s'est évadé un petit peu. Donc, un petit peu plus aventurier. C'est ça. Puis, selon moi, c'est ça, tu fais les quêtes, et tout à coup, tu te fais embarquer dans un rift, que c'est ça le but du jeu. Ouais. Il y a une faille qui arrive, et là, on voit un paquet de tentacules, et chaque tentacule... selon moi, quelque chose de spécial à apporter, un type de monstre ou une déesse qui protège ça, ou un dieu quelconque. Mais soit que c'est du mauvais, il y en a un autre, ça va être la nature, bref. Mais on réussit pas nécessairement, ça va tellement comme trop vite que tu prends pas le temps de regarder l'histoire, puis tu cliques, tu continues, puis là, oh, t'es rendu niveau quoi? On s'est rendu assez... T'es rendu au niveau 10 ou 12, ça donc, je pense que c'est 12. Hein, ouais. On n'a pas été voir jusqu'à la fin, mais déjà que ça nous intéressait pas non plus d'aller jusqu'à la fin, ça nous donnait une bonne petite idée là, de ce que c'est Rift, puis je crois pas que ça m'a incité à vouloir vraiment embarquer là, de plus. Là. Moi, en fait, je voulais vraiment voir le système de magie. Okay. Parce que lorsque j'avais été sur Internet, il y a comme un système vraiment différent et tu sais, ça marchait par branche, puis à chaque niveau qu'on montait, on mettait ça. Ça donnait d'autres archétypes que le simple mage. Fait qu'en soi, c'est bien. Les animations, je les ai trouvées quand même correctes, mais c'est redondant selon chaque magicien va avoir son missile magique, là, si tu veux. Là. Ouais. Mais ils vont juste changer la couleur, entre autres. Mais je sais pas, il y a un petit quelque chose là, qui fait que j'accroche pas. Puis plus j'avance, plus j'ai hâte que la session de jeu arrête, là, qu'on dise bon, puis je commence à m'ennuyer un peu de Star Wars. Ouais. Fait qu'imaginez-vous. C'est pas mal ça pour moi de mon côté de Rift. Ouais. C'est ça, on a joué 2 semaines de temps. On s'est donné 2 semaines. Puis dans deuxième semaine, là, c'était on jouait 3 soirs par semaine. Dans deuxième semaine, le premier soir, c'était pas pire. Les 2 derniers soirs, on jouait pour se rendre plus loin dans l'histoire, juste pour pouvoir en parler un peu plus. Là. Mais il y avait bien des choses qui m'énervent dans ce jeu-là. C'est, premièrement, peu importe la classe que t'es, c'est toujours la même quête. On avait toujours les mêmes quêtes, on parlait toujours au même personnage. Il y avait rien de différent entre moi qui étais un guerrier et toi qui étais un magicien. C'était exactement les mêmes quêtes. L'affaire qui m'a le plus énervé, c'est que si tu vises un ennemi puis tu te mets à courir, ah oui. ton ce qui était drôle d'un côté, ce qui était quand même cool d'un côté, c'est que si tu cliquais sur un personnage bon ou méchant, puis tu courais avec ton personnage à toi, il se tournait la tête pour regarder vers le personnage que tu avais cliqué. C'est cool d'une certaine manière parce que son attention est sur le personnage que j'ai sélectionné. Fait que c'est cool, il court, puis il regarde de côté jusqu'à temps qu'il passe trop loin ou ce que le coup il casserait pour faire un 180 degrés, puis il se met à regarder en avant puis il court. Mais si tu as le malheur de te battre en plein milieu de 3-4 ennemis, ben faut que toi-même tu vires ton personnage de bord pour aller attaquer l'ennemi qui est en arrière de toi. C'est une décision consciente, mais ton personnage est trop stupide pour se revirer de bord en disant « J'ai un ennemi dans le dos, mais je vais regarder en avant pareil. » Dans Star Wars, si t'as un ennemi en avant, t'as un ennemi en arrière, t'as un ennemi à ses côtés, ou surtout que t'as fini de le tuer, ton personnage se retourne pour attaquer le prochain ennemi. Dans ce jeu-là, c'est toi-même qu'il faut qu'il vire ton personnage de bord avec tes touches pour y faire face, pour pouvoir l'attaquer. Si tu t'attaques puis tu y fais pas face, t'as un beau message qui t'apparaît à l'écran à dire « Vous devez faire face à votre ennemi pour pouvoir l'attaquer. » Mais je dois te rajouter que t'avais le bouton V qui te permettait de voir à l'arrière. Donc, aussitôt que tu appuyais dessus, la caméra s'inversait et tu voyais comme à l'arrière. Mais quand même, ton corps était en avant. Tu peux quand même l'attaquer, mais il faut que tu tiennes ton bouton sur le V. Ce qui est vraiment, moi aussi, je trouvais fatigant. Fait que c'est ça. Ça m'a pas... Les graphismes étaient quand même jolis. C'était quelque chose que j'aurais quand même embarqué dedans. Mais l'histoire m'intéressait pas. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que t'avais des missions, t'avais des choses à ramasser en dessous de l'eau. Fallait nager en dessous de l'eau. T'avais des bébites à tuer en dessous de l'eau. Fallait que tu vérifies ton souffle. Tu pouvais perdre ton souffle puis mourir en dessous de l'eau. Fallait que tu remontes, prendre de l'air et redescendre. Ça, c'était bien, là. Mais pour le restant, j'ai pas du tout embarqué dans l'histoire, là. Pourtant, j'ai rentré dans le jeu de bonne foi. Je me suis dit, non, c'est sûr, j'étais pas rentré dans le fait que si j'aime ça, je m'abonne puis je paye puis je joue. J'ai déjà Star Wars, c'était pas dans mon but de partir puis aller jouer à un autre MMO. Mais je suis pas parti non plus en disant, ce jeu-là m'a l'air. C'était comme, j'étais parti de bonne foi en voulant l'aimer, puis finalement, non. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un de gâté en tant que MMO, j'en ai pas joué autant que Simon en a joué. Là. J'ai joué Doom Eternal, puis j'ai joué Star Wars. Et puis maintenant, justement, avec la venue de Aion en version gratuite aussi. Aion tombe gratuit? Eh oui. OK. Jusqu'au niveau 40. Ah, OK. D'accord. Alors, Riff va avoir fort à faire, sinon de creuser sa propre faillite. Ouais, c'est ça. Je vais me faire un plaisir de montrer Aion, donc, à Scalazormo. Bon, c'est ça, un autre. Et voilà. Et c'est sûr qu'on va en reparler au prochain podcast. Ah, pas au prochain. Au prochain. Ah, là, ça veut dire que mon bonhomme dans Star Wars va encore s'ennuyer de moi par là. Et voilà. Parce que tout cela, bien sûr, en attendant une réponse de participer au bêta de Guild Wars 2. Ouais, t'as-tu fait la demande? J'ai reçu une invitation. Oh, OK. Donc, j'attends toujours avoir une confirmation, mais je suis dans leur banque de données et ils vont en faire plusieurs. Donc, j'imagine que si tu vas sur le site, tu peux peut-être aussi faire la demande et afin de voir ce que ça donne parce qu'eux aussi vont avoir des combats dans l'eau. Ah, OK. Oui, ils peuvent avoir même de quoi de très gros, là. Ah, on va regarder ça. C'est intéressant. Je dirais j'ai installé le premier parce qu'on était supposé l'essayer. Puis finalement, mon temps... Ce que j'aimais pas de Guild Wars, la démo, c'est qu'il te donnait pas nécessairement un nombre d'heures de jeu. Tu avais 16 jours pour jouer. Fait que si tu jouais pas pendant ton 16 jours... On n'avait pas 10 heures? C'était 10 heures de jeu, mais t'avais un certain nombre de temps aussi. 14 jours. C'était 14 jours. Mm-hmm. Puis finalement, j'ai créé mon bonhomme, je me suis jamais logué, puis on n'a jamais joué. C'est ça. Mais déjà là, en partant, les graphismes étaient passés date. Là. C'est ça. Donc juste en voyant mon personnage, j'ai comme, non, c'est beau. Puis j'ai passé à d'autres choses. Ça m'aurait pas intéressé directement en partant, de toute façon. Bon. Mais on va voir avec l'avenue des prochains qui s'en viennent. Puis c'est ça, comme je disais, vive le printemps qui s'en vient à grands pas. Et la grippe qui s'en ira. On va espérer. On va espérer. Donc, au plaisir tout le monde. Merci beaucoup. Bon. Fait que là, on a eu les deux. On a eu et de l'animé et du MMORPG. Hey! Puis ça a l'air que ça a l'air qu'au prochain podcast, on va parler de MMORPG. Puis ça devrait être à Lyon, ça a l'air. Ben, ça devrait être pas mal ça, si tout va bien. Peut-être un autre animé aussi. Peut-être, on verra. Fait que merci beaucoup, Simon. Merci à vous. Là-dessus, on va passer à notre nouvelle recrue, le monsieur d'Edmonton. faut-tu que je dise quelque chose? Ben j'espère, sinon un podcast en langage des signes, ça serait long un peu, surtout qu'on n'a pas de vidéo. Ah ben j'ai des cartons à vous montrer par exemple. Ah ben ça va être beau d'abord. Présentation PowerPoint pour un podcast, ça va être merveilleux, le monde aime ça, voir ce qu'on fait à la radio. Surtout en conduisant. Ouais, fait que pour le monde qui ont la radio en 3D, ça va être un segment parfait pour vous. Fait que, c'est à mon tour. C'est à ton tour, je te laisse la place. OK. Bien, d'abord, merci de m'inviter sur le podcast. Ben, ça me fait plaisir. Et mon premier sujet, bien, en fait, c'est inspiré de la première discussion pré-podcast qu'on avait eue, où je vous parlais des jeux que je jouais présentement, puis ça m'avait rappelé un vieux jeu que j'avais déjà joué, en fait, une vieille série. Et donc, le jeu que je jouais, c'était Darksiders, que ça m'a pris du temps à acheter. C'est un jeu qui était sorti en janvier 2010. Et il y a des jeux, des fois, comme ça, on les regarde sur la tablette, on fait « Ah, ça m'intéresse, mais il y a d'autres choses qui viennent de sortir. Ah, ça m'intéresse. » Puis finalement, dernièrement, il n'y avait pas grand-chose à jouer, alors j'ai trouvé une copie pour pas cher. Et je me suis mis à jouer à Darksiders, et automatiquement, j'étais là, Soul Reaver, Legacy of Kain Soul Reaver. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui apparaissait à l'écran, j'étais là, mais c'est une copie éhontée de Soul Reaver. Alors, je me suis dit, je vais parler de Soul Reaver, qui est un jeu qui ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Est-ce que tu veux te dire quelque chose? Mais par hasard, c'est-tu Game Loft qui le fait? Ils sont bons pour copier ce que toutes les autres font. C'est-tu Game Loft qui fait ce jeu-là? Non, parce que si Game Loft l'avait fait, il l'aurait appelé Soul Breezer. Ah, OK, c'est vrai. C'est... Tu comprends? Oui. Il change de titre. Excuse-moi, c'est mon erreur. PG-13, ouais, c'est ça. ils font comme au Scrabble. Ils prennent les lettres du nom, puis ils les changent de place, faire un nouveau mot, puis... Un amalgame. Ils mettent ça sur l'iTunes Store. C'est ça. Ouais, ils en vendent des millions de copies. Bon, donc, qu'est-ce que c'est ça, vous allez me demander, Soul Reaver, pour les gens qui n'ont pas joué? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, même beaucoup, qui n'ont pas beaucoup entendu parler de ce jeu-là, même si c'est un jeu qui a quand même eu un très bon succès commercial. En fait, c'est une pantologie. Notez ça, les enfants, ça va être dans l'examen. C'est, en fait, deux histoires qui vont se connecter ensemble puis se finir dans un cinquième jeu. Donc, il y a... Toute la série s'appelle Legacy of Kain, Soul Reaver, et il y a aussi Legacy of Kain, Blood Omen. En Soul Reaver, on va suivre l'histoire du personnage qui s'appelle Raziel, et dans Legacy of Kain, Blood Omen, on suit l'histoire de Kain. Donc, le premier jeu de la série, c'était un petit jeu qui avait été fait, un petit jeu qui dure au moins 50 heures, qui avait été fait en vue isométrique, dans lequel on jouait le rôle de Kain, qui est un vampire, en fait, qui est un humain qui a été assassiné et ressuscité en vampire. Donc, c'est pas la façon traditionnelle de devenir un vampire, mais bon. Et on Eric, fait l'histoire de Kain. Oh, Eric, oui? Y a-t-il une façon traditionnelle de devenir un vampire? Mais ben, tu te fais mordre. Mordre par un vampire, c'est la façon qu'on okay. On connaît la plus connue, là, c'est se faire mordre par un vampire, ou etc. On voit trop de films. Lui, il se fait transformer par un vampire, par un personnage... bizarre. Donc, ça, c'est l'histoire de Kain. Donc, lui, il va partir dans sa quête pour un peu se venger, mais en fait, il va tomber dans toute une autre histoire qui va l'amener à détruire plein de choses. Moi, j'ai aimé mieux un peu plus la série Soul Reaver, qui est le deuxième jeu, probablement à cause du personnage qui est pas mal plus intéressant. Mais pour comprendre où on s'en va avec Soul Reaver, il faut commencer à comprendre qui est Kain. Kain, c'est un peu le personnage central de la série. Comme j'ai dit, bon, c'est quelqu'un qui est assassiné, qui est devenu un vampire. Et c'est pas un héros qui est gentil, c'est un héros qui est vraiment méchant. Kain, il va faire un deal pour revenir à la vie avec une espèce de semi-dieu magicien qui s'appelle Mortanius, qui va lui dire que prendre sa revanche, c'est pas tout. Qu'en fait, il doit aller se rendre à un endroit qui s'appelle les Neuf Piliers. Et les Neuf Piliers, c'est tout le long de la série, c'est un thème qui revient. Les Neuf Piliers sont neuf piliers magiques qu'il y a dans le monde, dans le royaume de Nosgoth, où le jeu se développe. Et ces piliers-là sont responsables d'un peu de la balance de l'univers. Et à cause de Kain, les piliers vont être détruits. Et le monde va tout se corrompre et, comme ils disent dans le jeu, ça va se dégrader de façon éternelle. Donc, les piliers étaient protégés par les humains. King va tuer tous les humains. Et après, il va se rendre compte qu'il faut qu'il reconstruise les piliers pour sauver l'histoire. Et il va s'embarquer dans une quête pour trouver l'épée Soul Reaver. Et donc, on arrive au jeu Soul Reaver. OK. C'est un jeu qui se promène énormément dans le temps. Il y a plein de passages. Il y a plein d'allers-retours dans le futur, le passé. C'est extrêmement compliqué à décrire comme ça, mais je vais essayer de vous résumer vite, Soul Reaver, qu'est-ce qui se passe. Donc, Soul Reaver, le deuxième jeu de la série, c'est le jeu change de style. On lâche la vue isométrique et on passe une vue semi-troisième personne, en fait, avec une espèce de caméra qu'on contrôle plus ou moins. Je vous en reparlais tantôt, ça amène des choses assez frustrantes des fois quand on fait des combats puis que la caméra est pas bien placée. Okay. Donc l'histoire commence avec Raziel, et en fait c'est que Kane au début du jeu est rendu presque une espèce de dieu vampire, et il y a toutes ces hordes de vampires qui sont là en avant de lui, et tous les vampires ont eu des dons pour évoluer, pour développer des nouvelles habiletés un peu, et Raziel qui est son premier lieutenant, ou son fils, en tout cas, c'est comme lui qui l'a créé un peu, a développé une paire d'ailes. Et ça rend Kane vraiment furieux. Alors, il va lui arracher les os des ailes et il va le balancer dans une espèce de puits sans fond qui s'appelle le lac des morts. Puis ça aussi, et, hein, c'est 13 ans et plus. Oui, je pense. ça doit être assez 13 ans et plus, oui. J'imagine qu'il y a un gros classé M dessus. Et donc, Raziel se ramasse au fond du puits, et il va passer là un bon bout de temps. En fait, il va pourrir là pendant au moins 1000 ans, selon ce que le jeu nous dit, et il va être ramené à la vie par un espèce de dieu qui a l'air d'une pieuvre, en tout cas c'est assez spécial, et qui va le faire de lui son Soul Reaver. Okay. Et un Soul Reaver, c'est en fait, je traduis ça, là, ça va être c'est un collecteur d'âmes. Et là, Raziel va donc partir dans une quête qui est un peu une espèce de vengeance, mais aussi une espèce de quête pour rétablir tout le temps cette espèce d'ordre qu'il cherche à rétablir, que tous les personnages, tous les protagonistes veulent attirer leur coin de la couverte un peu pour rétablir ou pas rétablir l'ordre dans le monde. Donc, Raziel, il va retourner dans le monde pour essayer de combattre Kane, essayer de le retrouver, il va combattre des ennemis, ça va aller un petit peu dans tous les sens. À certains moments dans le jeu, il va se rendre compte qu'il y a les mêmes intérêts que Kane, à certains moments non. Donc le jeu joue constamment là-dessus, et il n'y a pas beaucoup de combats de boss, mais il y a beaucoup de puzzles, casse-tête, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est bien. Donc, c'est un jeu qui ressemble un peu dans ce sens-là aussi à Darksiders et à Zelda ou à Tomb Raider, dans le sens où tu rentres dans des grandes pièces, où tu déplaces des blocs, que tu enlèves de l'eau, que tu pousses des grosses, des engrenages, faire fonctionner des choses, et c'est comme ça que tu vas te promener. Raziel, c'est un vampire qui est maintenant mort, donc il peut pas vraiment mourir quand on joue dans le jeu. Quand on n'a plus d'énergie, tout ce qui arrive, c'est qu'on balance dans l'autre dimension, qui eux appellent le Realms. La traduction Realms, c'est royaume, mais ça s'applique pas vraiment. C'est comme une espèce de dimension qui est le même, exactement le même monde, mais c'est le monde fantôme. Donc ce qui arrive, c'est que admettons qu'on est dans un château puis qu'on balance dans le realm, mais c'est le même château, mais tout est tordu. Certaines portes qui étaient fermées dans le monde normal vont être ouvertes dans le realm. Donc on comprend vite que dans le jeu, il faut balancer entre les deux souvent pour pouvoir résoudre certains puzzles. Donc il faut que tu te fasses tuer des fois. T'es pas obligé de mourir pour aller dans le realm. OK. Mais t'es obligé d'être plein d'énergie pour sortir du realm, et tu dois aller à certains points pour en sortir. Mais tu peux y balancer à n'importe quel moment. Mais tu te régénères dans le realm? Oui, dans le realm, il faut que tu ailles absorber des âmes d'ennemis que tu tues, des âmes qui font juste se promener ici et là. Et quand tu es plein, tu peux trouver un point, il y en a un petit peu partout, où permet de revenir dans le monde normal. T'as pas vu un King of Abyss par là, hein, par hasard? Je sais pas, faudrait que je cherche encore. C'est ton personnage, je me suis mis à jouer un petit peu derrière, justement, pour vous en parler. Donc, c'est ça. Donc, non seulement on se promène entre les deux mondes, mais aussi on va se promener dans le temps. Donc, il y a certains niveaux où, quand on s'en va dans le passé, les châteaux vont être super beaux, bien construits, il va y avoir plein de portes, mais dans le futur, certaines zones vont être détruites. Donc, des fois, il faut aller dans le futur, dans le RAM, pour faire une partie du puzzle, et quand on va retourner, après, on va retourner dans le passé, dans le monde physique, pour faire d'autres choses. Donc, ça devient assez, assez bizarre. C'est un peu compliqué. Hein? Complexe. Ouais. Oui, c'est extrêmement complexe, mais tout ça est tout le temps... L'histoire est tout le temps bien faite. Et si vous n'aimez pas les cutscenes, c'est pas un jeu à jouer. OK. Il y a beaucoup d'animation. Oui, j'ai vraiment souvent dit que c'est comme un film entrecoupé de scènes de combat. OK. C'est vraiment, on se promène d'un endroit à l'autre, on tape 3-4 monstres, 3-4 vampires, ou peu importe ce qu'on a dans notre chemin, on arrive à une place, il y a automatiquement une cutscene. OK. Mais on aime ça. Oui, ça rend l'histoire plus intéressante, mais les cutscenes. Et les voix sont extrêmement bien faites. Par contre, si vous jouez, surtout si vous jouez aux deux, je pense, mettez les sous-titres si vous n'êtes pas fort avec les accents british ou les accents anglais très littéraires, parce qu'il faut être capable de tout suivre. Et comme tout bon jeu qui se passe dans un monde fantastique, tous les noms sont imprononçables. Donc, c'est souvent inspiré nordique ou de trucs comme ça. OK. Donc, ça, c'est ce qui va se passer, c'est ça, c'est que Soul Reaver, c'est le nom d'une épée que Kane, justement, cherchait. Et l'épée a été brisée, elle a donc maintenant deux formes. Elle a sa forme physique et elle a sa forme non physique. Sa forme qui est dans le realm. Éthérique. Oui, c'est ça. Qui est dans, on pourrait appeler ça l'éther, dans le fond, je pense. Mm-hmm. Ce serait le mot pour le realm. Donc, la forme spirituelle de l'épée, si on veut, qui est dans le realm. Et c'est ça que Soul Reaver, Raziel, va aller s'attacher. Donc, l'épée qui est spirituelle va s'attacher à son bras. Et dans le deuxième jeu et dans la suite de la série, on va comprendre que Raziel est l'épée. Que lui, maintenant qu'il est combiné avec l'épée spirituelle, il est l'épée et il doit donc... il est comme l'arme du dieu qui l'a réanimé pour aller combattre. Dans Soul Reaver 2, qui est probablement le meilleur de la série, Kane va nous empêcher de nous fusionner avec l'épée physique à un moment donné, alert spoiler, à un moment donné plus tard dans le jeu. Ça date de quelle année, ce jeu-là? Trop tard! 2001. OK, bon, spoiler, c'est correct. On est toujours à la recherche de cette fameuse Soul Reaver physique-là. Nous pour la prendre puis pouvoir aller gagner nos combats. Et quand on la trouve, en fait, c'est comme l'épée spirituelle rencontre l'épée physique, les deux se fusionnent ensemble et Raziel, en fait, devrait mourir et devenir l'épée. Et juste à la fin, avant que ça arrive, Kane vient et nous enlève l'épée du corps et un peu nous sauve en même temps. Et c'est là que la série Soul Reaver prend une pause. Et c'est là qu'on tombe dans la série, on revient à la série Blood Omen, qui va s'appeler Blood Omen 2. Et dans Blood Omen 2, on va jouer seulement le personnage de Kane. Okay. Et ce qui va se passer dans toute l'histoire de Blood Omen 2, ça va être tous les événements qui ont été créés, que Kane a créés dans Soul Reaver 2 en changeant le temps. Donc, nous, pendant qu'on jouait Soul Reaver, en fait, qu'on jouait Raziel, il y avait d'autres choses qui se passaient avec Kane. On voyait Kane revenir une fois de temps en temps. Mais tout ce que Kane faisait pendant ce temps-là, ils vont le créer dans le deuxième jeu de Blood Omen. OK. Et la fin de la série arrive avec le jeu qui s'appelle Défiance. Et le concept est très bon. C'est que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les deux séries ensemble, Soul Reaver et Blood Omen. Et on va jouer les deux personnages en alternance pour culminer avec la fin du jeu. Qui, théoriquement, ça veut dire que les deux personnages qui vont jouer pendant le jeu vont s'affronter à la fin du jeu. Oui, et c'est assez intéressant parce que ça nous permet... les deux personnages ont des contrôles différents. Ils vont se battre un petit peu de façon différente. Kane, lui, a besoin d'absorber, de boire du sang, etc., comme tous les vampires. Raziel, lui, étant donné qu'il doit consommer des armes, ça fait une façon différente. Et l'affaire aussi, c'est que notre jauge d'âme, quand on est raziel, baisse même si on reçoit pas de dommages. Elle baisse constamment, toujours un petit peu. C'est pas beaucoup, mais si on prend trop de temps à faire un puzzle, on se réveille que notre jauge de vie est rendue assez très basse. Donc, il faut aller ou tapocher une coupe d'ennemis ou balancer dans le monde du realm pour aller absorber des armes et y revenir. Fait qu'au lieu de te donner du temps pour faire des choses, il baisse ta santé tranquillement. Et c'est la même chose avec Kane aussi, sauf que lui, dans son cas, c'est du sang. Donc, il faut aller taper des ennemis pour pas que notre énergie baisse trop. Je l'aime bien, ce gars-là. Kane? Dans Défiance, on va jouer en alternance un tableau avec Kane, un tableau avec Raziel, et tout ça pour arriver à la fin. Que je vous dirai pas. Vous pouvez aller jouer si vous voulez. Le jeu est sorti ou? Oui. Bon, maintenant, la série est sortie sur une grande période, en fait. Ça a commencé en 99 pour se finir en 2003, je pense, 2004. Le premier Blood Omen, c'est un jeu qui est très, très long, comme je l'ai dit. Là, c'est facilement 40 heures. C'était sorti sur la PlayStation, Windows, et il est maintenant disponible sur PlayStation Network. OK. Genre 10$, je pense, même pas. C'est pas payé pour 50 heures de jeu, 40-50 heures de jeu, c'est pas trop cher. Mais c'est pas un jeu qui a très bien vieilli, par contre. Ah, OK, ouais, comme la plupart des jeux. Là. Un peu à la Diablo, mais c'est pas, ça n'a pas aussi bien vieilli que Diablo. OK. C'est un petit peu saccadé, les combats, mais ça reste un bon jeu là, pour les gens qui sont fans de rétro. Là. Mais tu le recommandes, là? Si quelqu'un a joué à Diablo, vous allez être un petit peu déçu. Mais c'est-tu un hack and slash comme Diablo? Vraiment là, le même genre de jeu? Ou c'est plus RPG? C'est plus... C'est vraiment avec la manette, puis on se bat vu à la troisième personne. C'est pas à la Diablo. On n'accumule pas autant d'habileté comme à Diablo ou des choses comme ça. Là. Mais okay. C'est correct parce que ce jeu-là, donc, il a son... Comment je peux dire ça? Unicité, son sens, tu sais, son... Le fait qu'il est unique, là, c'est pas un Diablo, sinon il s'appellerait Diablo. Oui, mais souvent, le monde essaie de copier. Oui, mais on compare ce beaucoup, jeu-là. On ben, s'identifie. C'est là. Oh, oui, c'est clair. Ensuite de ça, bon, le premier Soul Reaver est sorti sur la PlayStation. C'est le jeu de la série qui a le plus vendu, d'ailleurs. Le premier Soul Reaver. C'est sorti sur Microsoft Windows, la Dreamcast. OK. Évidemment. Qui est disparu et il est aussi maintenant disponible sur PlayStation Network. Moi, c'est sur celui-là que je joue. Moi, je les avais tous joués sur PC. J'avais juste dernièrement, avec ma PSP, je l'avais acheté pour jouer sur ma PSP. C'est un petit peu trop petit l'écran, par contre, pour jouer sur la PSP. C'est difficile, OK. Ouais, donc j'ai décidé de jouer sur la PS3. Parce que je me disais, les contrôles vont bien aller sur la PSP, ça va être fait pour ça, mais c'est trop difficile de voir des fois les puzzles, les solutions. Quand on est dans une grande pièce, exemple, dans un grand château, de voir où il faut aller, c'est pas facile avec la PSP. Donc, ça défait un petit peu les yeux. C'est sûr, un écran de 3 ou 4 pouces, puis ton écran de 50 pouces dont tu parlais tantôt, il y a une différence. Ouais, mais quand c'est sorti, on jouait sur des TV de... 28 pouces. Ouais, mais le jeu n'a pas été pensé pour une console portable quand même. Mais les images, c'est pas un remake HD non plus. Hein? C'est exactement la même version. C'est un port. Okay. Fait que les contrôles, c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne peut pas utiliser les analog sticks. Donc, il faut se promener avec la croix. OK. La vue, comme je disais, est à la troisième personne dans Soul Reaver, mais on contrôle pas vraiment la caméra. Donc, si on commence à tourner en rond dans un combo, quelque chose comme ça, la caméra reste tout le temps un peu du même côté. Donc, on peut se ramasser en arrière d'un pilier des fois, puis pas voir notre ennemi. Il y a plein de jeux comme ça, là, c'est tout le temps les mêmes problèmes. On peut faire tourner la caméra. Il y a une espèce de fonction aussi pour une espèce de vue first person. Mais il faut être arrêté, on ne peut pas se battre. Si on pèse sur un bouton, là, on a la vue comme en first person, ça nous permet juste de scanner un peu la pièce ou le monde, puis voir ce qui se passe. Mais on ne peut pas se déplacer pendant qu'on fait ça. OK, c'est juste pour observer. Oui, et c'est très pratique parce que souvent, les puzzles, c'est comme dans tout bon jeu de puzzle, on rentre dans une pièce, il y a une espèce de cutscene qui nous montre une porte, une chaîne, puis un bloc, tu sais, pour te dire, il faut que se fasse bouger toutes ces choses-là pour réussir à sortir. OK, fait qu'ils te prennent un peu par la main. Ouais, ils te montrent ça, mais c'est pas toujours facile. Des fois, c'est clair. C'est une des critiques, d'ailleurs, de toute cette série-là. C'est, des fois, c'est pas nécessairement clair où il faut que tu ailles puis qu'est-ce que tu fasses, parce que c'est pas affiché à l'écran comme votre objectif, aller tuer telle personne. C'est dans les cutscenes, tu sais. Les personnages parlent, ils vont te dire il faut aller rencontrer telle personne, blablabla, blablabla. Puis là, pouf, tu reviens dans le jeu, puis là, tu fais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, si tu as skippé les cutscenes la première fois ou si tu les as pas vraiment écoutés, des fois, c'est pas clair où c'est foutu dans le même. OK. T'as-tu le choix, si tu as, mettons, sauté une cutscene, t'as-tu le choix de la faire rejouer? Je crois que oui, à partir du deuxième. OK. Tu dois avoir des points de sauvegarde de toute façon? Oui, ce qui est intéressant par contre dès le premier jeu, c'est qu'on peut sauver n'importe où et on se promène dans le jeu comme dans Zelda ou Metroid ou tous ces jeux-là. C'est un des jeux où on va revenir sur nos pas constamment. Donc, il y a des portails partout pour se déplacer. Donc, peu importe où on sauve, quand on recommence le jeu, on va revenir tout le temps à la place où on a été ressuscité, dans le fond, là, qui est dans le fond du puits. Mais à partir de là, il y a un portal. Et ce portal-là va nous amener à les différents villages, points, châteaux, peu importe où on était rendu. Ça, c'est pratique, parce que dans le jeu, constamment, il faut se promener, il faut revenir à des endroits. Le seul problème, c'est que le portal, c'est pas écrit clairement où tu t'en vas. Chaque endroit est représenté par un symbole. Et il faut que tu te rappelles par cœur des symboles. OK. Où tu te prends les notes. Au dé pour 3-4 jours et que tu reviens, il faut que tu te rappelles la lune à l'envers, c'était tel endroit, l'espèce de 3 bizarres écrits en zigzag, ça veut dire tel autre château. Donc ça, c'est aussi un côté qui n'aide pas vraiment. Là. Ça, ce qui fait que le jeu est assez difficile. Quand on compare au jeu où on joue aujourd'hui, là, où l'objectif est tout le temps écrit dans le coin en haut, puis il y a une flèche qui pointe où aller... pour les gens qui n'ont pas joué les Soul Reaver, quand c'est sorti, ça peut être déstabilisant. OK. Ouais, il te prenait par la main, mais au moins, t'avais un petit... fallait que tu fasses attention à ce que tu faisais. Tandis qu'aujourd'hui, les jeux, tu as une flèche dans le coin, puis si tu sens pas du bon bord, la flèche va pointer exactement où il faut que tu ailles. Puis souvent, tu as juste à suivre ou, comme Fable, tu as la ligne jaune à terre, puis tu t'en vas exactement à ton objectif. Ben, gars, je comparais à Darksider que je jouais. Quand tu sais plus où t'es rendu à Darksider, tu pèses sur un bouton, et puis il y a une espèce d'esprit qui t'accompagne, qui sort de ton armure, puis qui te raconte, faut que tu te dépêches à aller rencontrer tel gars, qui est à telle place. Ah, c'est pas pire. Mais t'as pas ça dans Soul Reaver. Dans Soul Reaver, si tu t'endors en jouant, ben, quand tu te réveilles, si tu t'en rappelles plus, tout bad, là. Mais c'est parce que tu t'endors en jouant. C'est parce que le jeu est plat. Voilà. Et maintenant, les combats, c'est assez simple aussi. C'est vraiment juste on pioche sur le bouton. Là. Okay. Les ennemis sont extrêmement difficiles à tuer. Il faut absolument utiliser dépendamment de ceux qu'on tape, là, si on attrape un humain, ils sont assez faciles à tuer. Mais le monde est peuplé de toutes sortes de vampires puis de choses comme ça. Et il faut tuer les vampires comme on tuerait un vampire, c'est-à-dire ou en les lançant dans un endroit où il y a de la lumière, ou les lançant dans l'eau, ou en les empalant avec toutes sortes d'armes qu'on peut trouver. Il y a des armes qui traînent un peu partout. Il y a des crochets sur les murs. Donc on les tape, puis quand ils tombent dans les pommes, on les prend, on les balance sur un crochet. Et c'est la seule façon. Sinon, on peut taper dessus jusqu'à temps qu'il meurt, mais c'est extrêmement long. Mais t'essaies-tu de me dire que si tu le piches dans la lumière, il fait pas juste briller? Non, il va plus. un petit kick à la série de Twilight. Tu sais. OK, c'est beau. Fallait que je la place, j'avais pas le choix, tu parlais de vampire, puis depuis tout à l'heure que je lis sur le bout de la langue, je vais juste me retenir, je cherche une place pour la passer, que tu m'as ouvert la porte. OK. Ben, tu me diras s'il y en a d'autres que tu veux passer. Non, c'est beau, ça devait être la seule. Il n'y a pas de loup-garou, pas de t-shirt non plus. Non, OK, c'est beau. Donc, c'est ça. Donc, un peu partout, il va y avoir des torches accrochées sur les murs. On peut prendre la torche, mettre notre ennemi en feu, etc., etc. Et bon, quand les ennemis meurent, ben, c'est ça, on peut aspirer leurs âmes pour se garder en vie. OK. Tous les jeux après ça, Blood Omen 2, c'est ça, c'est le même système de combat avec Kane. Là. Donc, Kane va se promener, va taper du monde. Kane a l'épée, évidemment, avec lui, la Soul Reaver physique. Il boit du sang, mais il n'y a pas Le système de combat n'est pas aussi développé, mettons, que Darksiders ou Zelda, où on peut faire des moves différents, accumuler ou débarrer des combos. Okay. Les seules choses qu'on va faire, c'est que dans Soul Reaver, avec notre épée spirituelle, pour réussir à faire des puzzles, il va falloir aller chercher des formes différentes de l'épée. Donc, on va avoir l'épée avec... qu'on va appeler, mettons, avec le vent, l'épée avec le feu, et toutes ces formes-là. Donc ça va nous permettre de faire certaines choses. Ça va nous permettre d'activer certains points. Donc avec l'épée de vent, on peut activer une espèce de machine qui va lever quelque chose. Avec l'épée de feu, ça nous permet d'allumer des torches qui vont faire ouvrir une porte. Donc c'est juste ça qu'on va faire. Et certaines épées sont supposées être plus efficaces contre certains ennemis, mais plus ou moins, là. T'as pas vu vraiment que c'était vrai dans le jeu en te battant? Non, c'est ça, c'est plus ou moins vrai. Donc, il y a l'épée de feu qui marche la mieux dans le fond, parce que en plus que tu tapes sur un ennemi, plus qu'il y a de chances qu'il te prenne en feu. Donc, c'est pas mal celle qu'on finit par utiliser le plus. OK. Mais de façon à ce que tu m'en parles, par exemple, Eric, je vois que c'est plus puzzle que vraiment action et autres, là. Oui, c'est vraiment puzzle et cutscene. OK. Les combats, à un moment donné, à la fin, quand on devient assez fort, quand tu vas te promener en deux endroits, il y a tout le temps, les ennemis reviennent constamment. T'sais, si tu te promènes dans une vallée, tu tues les ennemis, mais en revenant, ils vont être tous revenus. Souvent, moi, je me suis trouvé à juste courir, à faire le tour. Parce que t'as plus vraiment, ta barre de vie est rendue tellement grande, parce que, comme dans tout bon jeu, tu ramasses des choses qui font que ta vie, t'en as de plus en plus, que ta barre de vie est de plus en plus longue. Donc, à un moment donné, juste battre des vampires qui font juste traîner là, ça devient pas vraiment intéressant. On fait juste courir au prochain puzzle ou au prochain gros ennemi, dans le fond. Il y a pas vraiment d'intérêt de leur taper dessus, à moins qu'on ait vraiment besoin de vie. Okay. Mais à ce rendu, à ce niveau-là, t'es quand même captivé à vouloir continuer puis à finir le jeu, là. L'histoire, c'est qu'il y a constamment du monde qui arrive nouveau. Tu te fais dire qu'il faut que tu aies tué telle personne pour régler un problème, mais évidemment, la personne, quand tu es en train de mourir, te raconte une autre histoire. Donc, tu te rends compte que tu t'es fait avoir, là, tu retournes. Donc, ils réussissent à te tenir en haleine assez longtemps avec tous les twists qu'il y a dans l'histoire. OK. Fait que c'est un jeu que tu joues pour l'histoire, pas nécessairement pour les combats et des choses de même. Faut que tu aimes vraiment le puzzle, puis faut que tu aimes. Comme tu disais, t'aimes les cutscenes, faut t'aimes regarder une histoire. De God of War, genre, pour taper sur des ennemis, parce que tu peux faire des combos incroyables, puis lancer les ennemis dans les airs, vous aurez pas vraiment ça dans Survivor. OK. Il y a un petit peu de combat, tu te bats constamment, mais c'est pas aussi développé. C'est vraiment les puzzles, il y en a en masse, là. Soul Reaver, comme j'ai dit au début, Raziel, il avait des ailes, il s'est fait enlever. Donc, une des choses qu'on peut faire dans le jeu, c'est utiliser nos restants d'ailes pour planer. Donc, ça nous permet de passer quand les trous sont un petit peu trop grands. On saute, on pèse deux fois sur le bouton et on traverse. Ça, c'est une des choses, d'ailleurs, que j'avais trouvé qui était revenue dans Darksiders, où on se fait donner des ailes à un moment donné qui nous permettent de planer. Donc, Raziel attrape le bout de ses ailes, il saute, et ça lui permet d'aller plus loin. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu-là, c'est les personnages, l'histoire, le monde. Le fait que, étant donné qu'on se promène dans le temps, on voit le même niveau sous différents angles. On va retourner dans le passé, dans le temps que les humains peuplaient les villages, donc il va y avoir du monde partout, les châteaux vont être beaux. Et quand on va être dans le futur, après que Cain ait pris le contrôle du royaume de Nosgoth, tout va être détruit, abandonné, et puis on peut aller encore plus loin dans le futur où il reste presque plus rien, et aussi, ben, quand on balance dans le royaume, ben, on se ramasse à retrouver une deuxième version de tous ces mondes-là. OK, fait que ça devient compliqué à suivre l'histoire. Ça devient vraiment bizarre, mais moi, en tout cas, pour m'être assis à côté de mon frère, quand la première fois qu'on avait joué, mon frère jouait, j'avoue que je m'assoyais à côté de lui juste pour voir l'histoire. OK, parce qu'elle est intéressante au moins. Juste l'histoire. Ouais, un peu comme la première fois que j'ai vu Final Fantasy, j'étais absorbé par l'histoire. T'sais. On avait juste hâte que les combats finissent pour savoir où est-ce qu'on s'en allait. Oui, j'ai bien aimé ça aussi. Fait que Soul Reaver, c'est un peu comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à avoir les mêmes acteurs pour faire les voix off toute la série. OK, au moins, tu fais que t'es pas perdu. Parce que la voix de ton personnage que tu as joué pendant 50 heures n'est plus la même dans le jeu d'après. Et donc, il y a une belle continuité, puis on voit que les acteurs ils ont développé aussi les personnages. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans ce jeu-là. Il y a plusieurs formes du même personnage aussi, parce que Raziel était humain avant de devenir vampire, avant de devenir le Soul Reaver. Quand on va se promener dans le temps, on va se revoir nous-mêmes quand on était humain. OK. Et on va être obligé, spoiler again, on va se tuer nous-mêmes dans le passé. Et donc, tout ça, ces affaires-là, ça change le temps constamment. Pour les fans de Back to the Future, quand on change quelque chose, ben dans le futur, tout est changé. Mais tout ça va se passer. Donc, on va aller dans le passé en espérant réparer quelque chose, puis on revient dans le futur, mais on se rend compte que ça n'a rien changé parce que Kane arrive, puis lui aussi était retourné dans le passé, puis il a changé quelque chose avant qu'on change notre mission. Donc, on se rend compte qu'on s'est encore fait avoir, donc il faut encore se déplacer, aller faire d'autres choses. Puis, c'est-tu vraiment tout scripté? Ou si vraiment, t'es rendu, mettons, dans le passé, t'as un puzzle, si tu le fais d'une manière, ça a une certaine conséquence, si tu le fais d'une autre manière, ça a une autre conséquence, ou c'est toujours l'histoire fait que tu fais des choix, mais c'est scripté? C'est linéaire, mais ça. Ils sont scriptés. Okay. Les puzzles, c'est ça. C'est comme Tomb Raider. D'ailleurs, Tomb Raider, il y a un lien à faire parce que c'est un peu le même studio qui a repris la licence de Tomb Raider. C'est quand tu rentres dans une pièce, mettons, là, la porte va se fermer en arrière de toi, puis il faut que tu sortes une porte qui est plus loin, en haut. Donc, il faut que tu mettes des cubes un par-dessus l'autre, que tu sautes, que tu te balances dans le monde. Dans le realm. Parce que aussi dans le realm, ce qui arrive, c'est que toutes les pièces se déforment, se tordent. Donc, certaines fois, tu ne peux pas sauter, disons, sur un bloc parce qu'il est trop haut. Mais si tu vas dans le realm, le bloc se rétrécit. Donc là, tu sautes dessus, ça te permet de monter en haut. Là, en haut, il va y avoir un portal pour revenir dans le monde normal. Là, tu continues ton puzzle dans le monde normal et tu rebalances. Donc, constamment, des fois, en jouant avec ça, ils réussissent à nous mélanger, mais d'une bonne façon, dans le sens où tu fais un puzzle, puis là, tu dis, mais voyons, pourquoi je ne suis pas capable de passer là? Puis là, tu fais, ah, c'est vrai, il faudrait peut-être que j'aille voir dans le realm s'il y a quelque chose. Donc, des fois, on oublie, quand on est trop longtemps dans le realm ou trop longtemps dans le monde réel, qu'il y a peut-être la solution est dans l'autre. OK. Ben, ça a l'air intéressant, pareil, d'une certaine manière. Oui. Bien, pour ceux qui veulent l'essayer, la façon la plus simple, c'est vraiment d'aller sur le PlayStation Network et d'aller chercher le premier de la série, Soul Reaver Legacy of Kain, qui est le jeu qui a été le plus populaire. Donc, je pense que si vous voulez l'essayer, c'est la meilleure façon de commencer. Moi, c'est celui-là avec lequel j'avais commencé. J'avais essayé l'autre avant, Blood Omen Legacy of Kain, qui est celui en vue isométrique, et j'avais moins aimé ça. Faut dire que comme je disais, c'est un petit peu mal vieilli. Puis d'aller dans le passé refaire cette histoire-là, c'était moins intéressant. Mais pour ceux qui aiment les jeux un peu plus vieux comme ça, ça peut être trippant. Malheureusement, Legacy of Kain Soul Reaver 2 n'est pas encore disponible parce que c'est un jeu PlayStation 2. Et on sait qu'avec le PlayStation Network, tout ce qui est PlayStation 2, on attend encore la compatibilité. Ouais. Et peut-être qu'un jour, ils vont les refaire en HD, comme c'est la mode présentement. Mais souvent, ils font ça quand il y a un nouveau jeu qui s'en vient. Mais là, ils ont fermé l'histoire, fait que probablement qu'ils ne feront pas d'autre chose avec ça, j'imagine. Ouais, c'est mon dernier point. C'est que à Défiance, ils ont vraiment fermé l'histoire. Les gens qui ont développé la série aussi sont... Il y en a plusieurs qui sont partis du développeur Crystal Dynamics. Mais c'est un jeu qui est développé par Eidos et il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés à ramener les personnages, surtout que Raziel et Kain sont disponibles dans le dernier jeu de Tomb Raider, je pense en contenu téléchargeable ou je sais pas quoi. C'est au lieu de jouer Lara Croft puis son acolyte, t'as Kain et Raziel à la place pour te promener. OK. Ouais, fait que c'est le studio Crystal Dynamics, c'est lui qui a maintenant repris la licence Tomb Raider. Et bon, ils n'ont pas mis de côté d'un jour ressortir les personnages, mais étant donné que tous les gens qui travaillaient sur la série ont été partis de la boîte et que la série a été fermée après 5 jeux, peut-être un jour, on va le voir. Les gens qui voudraient jouer sur PC, parce que le jeu, toute la série est disponible sur PC, contrairement à PlayStation qui est sur une machine puis sur l'autre. Vous allez être obligé de fouiller sur Amazon ou Good Old Game ou juste... Moi, ils sont pas sur Steam, j'avais regardé, puis ils sont pas sur Steam. Ouais, il faut falloir vraiment... Ça va être Amazon avec une... quelqu'un qui vend sa vieille boîte. Ça va être presque la seule façon de le trouver. Tu as eBay ou quelque chose comme ça. Exactement. C'est malheureux parce que c'est une bonne série. Et il y a tout le temps un gros bon graphique entre les jeux. Donc, à chaque jeu, c'est vraiment mieux, de mieux en mieux. Défiante, c'était très bon. À ce point de vue-là. Et ils ont créé une belle atmosphère. Au point de vue musical, c'est peut-être un peu moins bien. Il faut dire qu'à l'époque, dans le temps de la PlayStation 1, ils ne mettaient pas des tonnes de musique sur les jeux non plus, là, parce que ça bouffait de l'espace. Ouais, c'est ça. Il y a du son constamment intéressant. Et c'est vraiment l'histoire qui est prenante. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on joue... Je pense que même si sur la version PC de Soul Reaver 2, c'était possible d'écouter toutes les cutscenes une en arrière de l'autre une fois qu'on les avait débarrées. Et ça faisait presque un film. Ah, Bobby Kotick aurait été content? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Bobby Kotick, c'est le grand boss de chez Activision qui disait qu'à un moment donné, il aimerait ça, pogner toutes les cutscenes de ses jeux, les mettre une en arrière de l'autre, puis nous passer ça comme dans un cinéma, comme si vraiment les cutscenes se suivaient. Ce que M. Kotick a oublié, c'est que des fois, entre deux cutscenes dans un genre Call of Duty ou quelque chose comme ça, ben t'as comme 45 minutes de gameplay où ce que tu tires du monde puis qui développe quand même l'histoire. Fait que si ça vous tente de voir ce que ça donnerait, il y a du monde sur YouTube qui ont mis toutes les cutscenes l'un en arrière de l'autre de Call of Duty ou des choses comme ça. Et quand tu regardes ça un après l'autre, ça fait un peu bizarre parce que ça suit pas vraiment pantoute. Fait que... Arrière de l'autre, après ça, tu trouves que Alexander, c'est un bon film. Je sais pas, j'ai pas perdu de temps à regarder ça. Donc, ben voilà, c'est ça. Moi, je dis pour les gens qui trippent un petit peu sur les plus vieux jeux, puis allez essayer au moins peut-être le premier Soul Reaver. Les contrôles vont vous prendre peut-être une petite seconde à vous habituer, vu que c'est pas analogique. Mais il y a une fonction pour remapper les boutons. Là. OK. Ah, c'est de façon bien. Différente, donc... Mais c'est pas extrêmement compliqué. C'est juste que les combos, vous allez trouver ça un petit peu bizarre. OK, c'est bien. Fait que tu dis qu'ils sont pas bien chers, c'est comme une dizaine de pièces chaque, j'imagine? Je pense qu'ils sont une dizaine de dollars. Moi, c'est vraiment parce que, écoute, je l'ai eu. Ces jeux-là, je les avais tous déjà achetés au moins une fois. Et puis, je l'ai racheté une fois de plus parce que, bon, ben, j'ai plus de PC pour jouer dessus. Là. Mais, ouais, le premier Soul Reaver, juste allez voir sur YouTube, Soul Reaver, juste l'intro, là. Quand Raziel se présente devant Kane puis qu'il se fait arracher ses ailes puis lancer dans le puits, juste ça, c'est assez prenant pour vous donner envie de jouer. Bon, ben, c'est un des vieux jeux à aller essayer, c'est pas tellement cher, puis si c'est vraiment une cinquantaine d'heures de jeu, ça vaut son pour une dizaine de piastres, c'est rare, mais assez rare à cette heure. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de faire un jeu, il y avait des rumeurs à un moment donné d'un Soul Reaver 3, mais en fait c'est un jeu fait par des fans. Il y a des gens qui avaient commencé à faire un jeu et j'ai essayé plein de liens sur internet et je pense que c'est complètement mort parce qu'il y avait mis en ligne un démo à un moment donné alpha d'un jeu fait par les fans de Soul Reaver et le lien n'est même plus disponible. Donc ils ont peut-être faire un lien avec Benoît Gagnon de l'analyse des geeks. Ils ont peut-être eu une équipe de baseball qui ont été cognés à leur porte pour leur dire tu sors pas ça. Ouais, surtout je pense qu'ils essayaient de réutiliser de l'audio des jeux précédents pour faire une espèce de ligne narrative, genre du sampling de voix. Je sais pas jusqu'à quel point Eidos à un moment donné a mis la clé là-dedans. Parce qu'il y a encore toutes les wallpapers, il y a plein d'images du jeu. Sur YouTube, il y a même un vidéo d'un moment de gameplay qui avait été fait. Donc, je pense que peut-être à un moment donné où les gens ont arrêté parce qu'il n'y avait plus le temps de travailler sur le jeu ou bien ils se sont fait envoyer une lettre de « cease and desist ». Ouais, j'irais plus avec la deuxième option. Fait que... Donc, voilà, j'espère, personnellement, j'aimerais ça qu'ils les refassent tout en HD, mais je pense pas que ça va arriver. Tiens-toi pas ton souffle. Ben, merci pour ta première chronique. Et si c'est très mélangeant, je vais mettre tous les liens sur mon article pour lundi. OK. Fait que... vous pourrez aller voir le site qui a la fameuse timeline de Raziel avec toutes ses formes et à quel moment il est où dans le temps. Et ça va vous donner un beau mal de tête. Ouais, fait que avant d'aller sur le site, prenez-vous une petite bouteille de Motrin. Parlant de site, c'est... Non, ben il va mettre le lien sur le CJUAP. Fait que tu vas mettre ça dans ta section qu'on t'a créée, qui est au-delà du processeur. Oui, monsieur. Bon, ben c'est merveilleux. Ben merci pour ta première chronique. Avec plaisir. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high. Fait qu'on va y aller avec la dernière chronique de ce podcast, j'allais dire de la soirée, mais dépendant quand est-ce que vous l'écoutez, c'est peut-être le matin en vous levant. Moi, je vais y aller avec une chronique. Je vais parler de services téléphoniques. Pas de cellulaire. Cellulaire, tout le monde sait que les prix sont exorbitants au Canada comparé de ce qu'on peut avoir ailleurs. Je veux vous parler de téléphone. Belle, sont toutes à peu près ensemble. Il doit y avoir de la collusion là-dedans. Là. Je veux vous parler de services téléphoniques résidentiels. Si je regarde ça, là, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, quand j'étais jeune, c'était des téléphones à roulettes. Puis on les louait chez Bell Canada, puis c'était vraiment l'enfer. Après ça, on a eu les téléphones à touchtone, qui était comme une révolution dans ce temps-là. C'était incroyable. Là, t'avais plus besoin de faire ta roulette. Tu pesais juste sur le piton, puis ça téléphonait. Après ça, on a eu les cellulaires grosses comme une brique. Là, c'était vraiment incroyablement gros. Mais là, depuis que l'Internet est arrivé, on a les réseaux sociaux, on a du magasinage qu'on peut faire, on peut choisir des restaurants en allant sur Google, mais on peut aussi s'en servir comme service téléphonique. Il y a beaucoup de nouveaux services qui apparaissent à gauche et à droite depuis quelques années. Puis je vais vous donner une couple de suggestions. Puis là-dedans, je vais vous dire moi aussi, de mon côté, ce que j'utiliserais, ce que j'aimerais bien utiliser là, si c'est un service que, pour moi, ferait mon affaire. Bon, le premier que j'ai écrit, c'est sûr, c'est le service de Vidéotron. Vidéotron est un peu moins cher que Bell Canada peut l'être. C'est du téléphone par IP, ce qu'on appelle du voice over IP. La seule chose, c'est que Vidéotron, c'est pas nécessairement mieux que Bell Canada. On est pris avec un contrat mensuel. On est pris à payer 4-5$ pour avoir, si vous voulez, l'afficheur, un autre 4$ si vous voulez avoir la boîte vocale, puis un autre 4$ si vous voulez avoir des appels conférences, puis ça finit par vous coûter 30-40$ par mois pour votre ligne téléphonique. Puis si vous êtes comme moi, vous recevez à peu près 5-6 appels par semaine, ben ça revient cher de l'appel téléphonique que vous recevez. Moi, pendant beaucoup d'années, je dirais que ça fait à peu près 10 ans, ça l'aurait fait 10 ans ou ça venait de faire 10 ans que j'étais avec une compagnie qui s'appelle Vonage. Vonage, c'est un service IP que j'ai comme je vous dis, j'ai connu à peu près il y a 10 ans. Ça a toujours bien été. C'est un service qui était quand même fiable. J'ai eu quelques petits problèmes de certains numéros de téléphone que j'étais pas capable d'appeler au Canada, comme des 1-800 ou des choses comme ça. Mais pour la majeure partie, ça fonctionnait super bien. Juste pour vous donner un exemple, là, Vonage, par exemple, le seul problème, c'est que c'est un contrat, c'est par mois. C'est-à-dire que ça vous coûte un montant fixe par mois, puis vous êtes pris avec ça. Mais c'est pas tellement cher. Moi, ça me coûtait 23$ par mois. Ce que j'avais, c'est que c'est 500 minutes sortantes, mais tous les appels entrants avec Vonage sont gratuits. Fait que vous payez seulement, vous prenez vos minutes seulement quand vous faites un appel téléphonique. Sauf si c'est un 1-800, ben c'est inclus dans votre forfait, ça vous prend pas de minutes non plus. C'est juste vraiment les appels qui sont à des numéros réguliers. Mais ce que ça incluait, c'est le Canada et les États-Unis. Donc j'avais aucun longue distance ni au Canada ni aux États-Unis en autant que je restais dans mon 500 minutes. Puis comme là, je vous disais, ça inclut pas les 1-800. S'il y avait un numéro 1-800 aux États-Unis, ça me coûtait pas de minutes. Puis comme de raison, les 1-800, ça coûte rien. Pour 23$ par mois, j'avais l'afficheur, j'avais la boîte vocale, la deuxième ligne, le transfert d'appel, toutes les options, que Bell Canada et Vidéotron vous vendent à peu près 2, 3, 4 piastres chaque, ben, il était tout inclus dans mon 23 piastres par mois. Fait que c'est un service que j'ai utilisé pendant longtemps, que ça allait bien. Moi, je suis allé vers d'autres choses présentement. Je suis juste sur des cellulaires. Je les ai pas lâchés parce que je trouvais que le service était pas bon. C'est parce que je suis maintenant deux cellulaires à la maison pour le nombre d'appels qu'on reçoit nous autres avec les soirs et week-ends illimités. C'était parfait pour moi. Le prochain service téléphonique que j'ai découvert récemment, c'est Magic Jack. Magic Jack, c'est probablement le plus populaire des services téléphoniques IP, celui que le monde entend plus parler parce que c'était plus comme une révolution. Magic Jack, c'est un peu comme Vonage, c'est du voice over IP, ça fait que des voix sur IP. La seule chose, c'est que chez Magic Jack, vous n'avez pas de contrat. C'est-à-dire que vous n'avez pas non plus de frais mensuels. Ce que vous faites, c'est que vous achetez une boîte. Il y a deux adapteurs disponibles. Il y en a un qui est 50$. Il s'attache absolument après un ordinateur. Ça veut dire le côté plate de ça, c'est qu'il faut absolument que votre ordinateur soit allumé pour que vous puissiez vous en servir. C'est-à-dire si vous éteignez votre ordinateur puis votre Magic Jack est après cet ordinateur-là, vous ne recevez pas d'appel, vous ne placez pas d'appel. Il y a un autre modèle qui ont sorti récemment qui est 80$. Il est 79,99$. Celui-là peut être branché et sur un ordinateur ou branché directement sur votre réseau à la maison, dans votre routeur avec un câble, puis il y a son alimentation. Lui, vous le branchez une fois dans votre ordinateur pour le configurer, puis après ça, vous le branchez directement dans votre réseau. Il est toujours fonctionnel. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Mais si vous partez en voyage, vous partez aux États-Unis, vous allez à quelque part où vous avez une connexion Internet, vous pouvez l'apporter, le brancher sur votre ordinateur, puis vous en servir comme téléphone quand même. Fait que vous pouvez amener votre numéro de téléphone résidentiel avec vous, peu importe où vous allez. Seule chose, oui, c'est le fun, c'est une des options qui était le fun. Ce que j'ai oublié de dire aussi avec Vonage, la chose que j'ai beaucoup aimé d'eux autres, ils ont des numéros locaux dans beaucoup de villes américaines et canadiennes. Comme par exemple, moi je suis allé à Winnipeg pendant une semaine pour le travail. À Winnipeg, j'appelais un numéro local de Winnipeg. Puis ce numéro-là me permettait d'appeler chez nous gratuitement. Fait que c'est sûr, certain que vous appelez ce numéro-là, faut que vous appeliez un numéro Vonage du numéro local de la ville où vous êtes. Fait que moi, j'appelais ce numéro-là. Il me disait « Composez le numéro de l'abonné Vonage que vous voulez appeler. » Je composais le numéro à la maison. Ça me transférait. Ça me coûtait rien. Fait que quand vous êtes avec Vonage, vous pouvez donner un numéro local à votre père ou votre mère qui reste à Québec ou qui reste à Ottawa ou à Edmonton. Puis vous lui dites « Compose ce numéro de téléphone-là. » Après ça, compose mon numéro. Pourquoi tu voudrais faire ça? Je sais pas, moi non plus, là, mais je donne des exemples de même. Puis, tu te ramasses à appeler gratuitement, ça sauve les longues distances. Fait que ça, c'était le fun. Avec Magic Jack, la seule chose, un coup que vous avez payé votre adapteur, le service est 30$ par année. Fait que pour le prix d'un peu plus qu'un mois de Vonage, vous avez une année complète de service Magic Jack. Si vous voulez un numéro de téléphone canadien, ça vous coûte 10$ de plus. Puis si je me rappelle bien, c'est par année aussi. Donc c'est 40$ par année pour un service résidentiel avec un numéro canadien. Par défaut, vous avez un numéro de téléphone américain, plus ou moins pratique si toute votre famille reste au Canada. Ça va être des longues distances à chaque fois qu'ils vont vouloir vous appeler. Fait que ça vous prend absolument un numéro local canadien. Fait que c'est quand même pas tellement dispendieux. Le prochain, j'ai découvert ça vraiment récemment. J'étais allé chez Future Shop parce que tout bon geek va de temps en temps chez Future Shop, même si c'est pas pour acheter, juste pour voir ce qu'il y a de neuf. Puis rire de certains représentants qui connaissent pas trop de quoi qu'ils parlent, qui essaient de vous vendre des HD DVD quand ils savent que dans 3 semaines ça sort des tablettes. Mais c'est ça, il y a NetTalk. C'est presque identique à Magic Jack, mais je vous dirais que c'est identique à Magic Jack. La seule différence avec NetTalk, c'est que la boîte, le petit adapteur, ils en ont juste un. il fait les deux, comme le Magic Jack Plus qu'il appelle. Il fait soit branché sur un PC, soit tout seul sur votre réseau. Vous le branchez une fois sur votre PC, vous le configurez, après ça vous le mettez sur votre réseau, puis vous l'oubliez. Vous branchez votre téléphone dedans, puis vous recevez vos appels, placez vos appels. La boîte est pas vraiment chère, c'est 59,99. Elle est à ce prix-là partout. Il y a la vente chez Future Shop, il y a la vente sur Amazon, il y a la vente chez Best Buy. Il y a plusieurs places, vous pouvez trouver ça. 59,99, puis à ce prix-là, ça inclut votre première année de service. Fait que vraiment, la boîte vous coûte 29, puis le service, c'est 30$ par année, eux autres aussi. Le numéro de téléphone canadien est inclus. La beauté aussi avec NetTalk, c'est qu'ils ont des applications sur iOS, puis ils ont des applications sur Android. Fait que vous pouvez installer sur votre iPhone ou sur votre téléphone Android une application de NetTalk, puis ça vous permet de passer des appels à travers le Wi-Fi avec vos téléphones intelligents. Fait qu'en autant que vous avez du Wi-Fi, vous êtes capable de placer des appels, puis si vous avez un compte NetTalk, c'est gratuit en plus. Fait que c'est un très gros plus. Puis, comme avec Magic Jack, vous amenez votre adapteur en voyage, vous le branchez dans votre ordinateur, votre téléphone résidentiel est rendu avec vous en voyage en Floride avec les enfants à Walt Disney, mettons. Exemple. L'autre service que tout le monde connaît puis qu'on se sert présentement pour avoir Eric qui est à Edmonton avec nous autres ici aujourd'hui, c'est Skype. Non, c'est pas vrai. Je suis sous la forme représentative d'un haut-parleur. C'est ça, sur la forme représentative. Un beau petit soundbar. Fait que c'est un beau petit démon qu'on voit dans l'image de Skype. Fait que c'est ça, Skype. C'est à la base c'est gratuit. En autant que vous appuyez des numéros Skype, c'est-à-dire de Skype à Skype, soit sur PC, soit l'application qu'il y a sur un iPad, un iPhone, ou je ne sais pas si Skype ont des applications Android, des applications oui. Windows Phone, j'imagine que oui, vu que ça, Skype oui, appartient maintenant à Microsoft. Moi, je l'ai sur Android. OK. Je l'ai essayé autant sur le 3G que le Wi-Fi Skype, et je ne sais pas pourquoi, même sur la même connexion Internet que mon laptop, ça ne marche pas aussi bien. Je suspecte que c'est à cause du téléphone. OK. Peut-être aussi l'encodage à cause que c'est sur le téléphone, mais pourtant, je veux dire, c'est Wi-Fi, il n'y a pas de raison, ça devrait être la même bande passante, donc ouais. c'est pas un succès. Mais les applications sont quand même limitées. Je veux dire, Skype, ça marche bien, je l'ai essayé sur mon iPad, ça fonctionne bien, mais l'autre jour, quand j'ai essayé de faire des tests pour parler avec toi et Simon en même temps, à ce que j'ai vu, je peux me tromper parce que j'ai pas pris le temps de fouiller pendant une heure pour trouver, à ce que je sache, on n'a pas de possibilité de faire de conférence à travers le iPad. Fait que si t'appelles une personne, tu peux pas appeler deux personnes en même temps, à ce que je sache. Ça se peut que je me trompe, là, mais moi j'ai pas vu comment faire d'appel conférence sur un iPad. Fait que l'application pour mobile est quand même limitée. Le meilleur, c'est sur le PC. Ouais, mais l'affaire avec Skype aussi, c'est que c'est un logiciel qui est très modulaire, donc dépendamment de la plateforme, les options sont pas toujours les mêmes. C'est ça. Juste si tu compares Mac et PC, moi j'allais sur le Mac présentement, Skype, et j'aime vraiment pas comment il est fait sur le Mac, la liste de tes amis, puis tout ça, c'est... Parce que c'est pas aussi simple, en tout cas, c'est pas aussi bien placé, je trouve, que sur le PC. Okay. Et puis, vois-tu, quand tu tombes sur les téléphones aussi, si tu as les caméras frontales, tu peux avoir la vidéo avec, mais si tu ne l'as pas, ben, c'est pas une option, tu peux pas utiliser la caméra qui est en arrière du téléphone pour le faire. T'sais. OK, il faut que ça soit la frontale. Ça change constamment de machine, donc c'est dur avec Skype de savoir vraiment ce que tu vas avoir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que Skype, c'est gratuit de Skype à Skype. Skype, c'est gratuit aussi si vous faites des numéros 1-800. Fait que des numéros sans frais. Il n'y a pas de frais pour ça. Si vous voulez faire des appels de Skype à téléphone filaire, téléphone régulier, faut acheter du crédit Skype. C'est pas tellement cher, mais il faut quand même payer pour faire des appels sortants. Au Japon, c'est quand même assez cher. Au Japon, c'est ça. Ça dépend vraiment d'où ce que tu appelles, le nombre de sous la minute. Là. Mm-hmm. Fait que c'est quand même un service qui est disponible à avoir. avec des tablettes, tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur ouvert pour vous en servir. Vous pouvez le faire sur une tablette, mais c'est pas aussi efficace que ça pourrait l'être. Pour ceux qui aimeraient faire comme nous on fait, faire du podcast avec Skype, c'était pas dans mes notes, là, mais je vais juste les mentionner parce que je me fais demander ça souvent sur Twitter depuis quelques temps. Si vous voulez faire du podcast puis enregistrer votre podcast par Skype, vous avez 1, 2, 3, 4 intervenants à des places différentes. Si vous faites ça un à un, moi, mon programme préféré, c'est un programme qui s'appelle Power Grammo. Fait que vous allez sur Google, tapez Power, P-O-W-E-R, G-R-A-M-O, Grammo. Puis, il y a une version gratuite. La seule chose, c'est que la version gratuite ne fait que 2 intervenants. Fait que moi, puis, mettons, Eric. Power Grammo, c'est ce que je me sers pour faire quand je fais Histoire de Gamer. C'est Power Grammo que je prends. Si vous voulez faire de la conférence, ça veut dire 4-5 sur un podcast, il y a un programme qui s'appelle iSkype Recorder. Tapez ça sur Google aussi, c'est gratuit. Comme Eric le fait présentement. Ouais, c'est ça. C'est iFree Skype Recorder. Puis ça vous permet d'enregistrer une conférence, c'est-à-dire plus qu'un intervenant. Puis, si vous voulez faire du podcast, c'est l'outil parfait. Une coupe de PC, ce programme-là avec Skype, puis ça fait des miracles, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire là, juste quelques années. Fait que ça, c'est Skype. Il y a aussi Google Voice. Google Voice, c'est quelque chose qui était disponible aux États-Unis en premier. Après ça, ils ont envoyé ça au Canada tranquillement. C'était certains usagers qui étaient ciblés au début. Après ça, ils ont ouvert ça à tout le monde. La seule chose que je m'étais aperçu, puis je me rappelle pas si c'était avec Simon, je me suis aperçu de ça, ou si c'était avec quelqu'un au travail. Si tu voulais l'avoir, il fallait que ton Google soit en anglais. C'est ça avec toi quand tu avais ça? Ça se peut, un peu. Non, je pense pas que c'est moi. C'est ça. Fallait absolument que le Google soit en anglais. Si le Google est en français, l'option n'apparaissait pas. Fait que c'est ça. Fallait le mettre en anglais. Après ça, tout le monde a réussi à avoir l'option dans leur. C'est vraiment dans le Gmail que vous voyez ça. Les appels sont gratuits présentement. À chaque année, on s'attend à ce que ça va tomber payant, mais c'était gratuit en 2010, ça a été gratuit en 2011, puis cette année, on dit qu'encore pour 2012, les appels allaient être gratuits. Canada, États-Unis, il n'y a pas de restriction de numéro où vous appelez, 1-800 ou résidentiel, les numéros réguliers, il n'y a pas de restriction. La seule chose avec le Google Voice, c'est qu'il faut absolument passer par un ordinateur. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'application, à ce que je sache, qui fonctionne bien pour Google Voice. Puis sur le PC, pour moi, ça reconnaît pas le casque puis le micro. Fait que c'est vraiment de parler à travers le micro directement du laptop, puis le haut-parleur du laptop. Il reconnaît pas mon casque que je mets pour faire du Skype, des choses comme ça. Il y a une version sur Android, évidemment, okay, de Google Voice. Le problème, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas le Google Voice complet au Canada, c'est ça, que tu peux lier à ton numéro de téléphone, ben l'application ne fonctionne pas. Tu commences les premières étapes, puis à un moment donné, quand tu arrives au moment où il faut que tu actives ta boîte vocale, ça fait juste chercher constamment. Ben, c'est ça. Ça t'envoie un message d'erreur, donc tu ne peux pas l'utiliser. C'est ça, parce qu'aux États-Unis, Google Voice, c'est possible d'avoir un numéro pour les appels entrants. Tandis qu'au Canada, on peut juste faire des appels. On n'a pas accès à avoir des appels, un numéro de téléphone pour des appels entrants. Merci au CRTC qui aime ça nous mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle technologie que le monde aimerait nous offrir, mais c'est ça, on est pogné avec ça. Et ils viennent juste nous donner le droit de garder notre numéro de téléphone quand on change de service, donc faut pas trop leur en demander. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça va peut-être arriver à avoir du monde qui connaisse ça. L'Internet et la technologie qui vont être en charge du CRTC, mais j'ai une vision peut-être avec des petites lunettes roses. On va aller voir les gens de Vancouver, ils sont bons avec ça. Ouais, c'est ça. Et le dernier, non le moindre, c'est quelque chose qui est sorti début février. Donc, peux-tu dire quelque chose sur Google Watch avant que tu finisses? Oui, non. OK. Si vous recevez des appels chez vous à la maison, puis que sur votre écran, ça a écrit le numéro... je pense que c'est 705-8888, là, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vous appelle de Google Voice, mais qui n'a pas un numéro personnel. Là. Donc, c'est le numéro comme que Google Voice utilise comme call display. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de gens présentement aux États-Unis qui utilisent ça pour faire du scam téléphonique. OK. Donc, si vous avez quelqu'un qui utilise Google Voice pour vous appeler, puis c'est ce numéro-là qui apparaît, vous ne pouvez pas vraiment le bloquer parce que vous allez bloquer tous les gens que vous connaissez qui vont vous appeler sur ce numéro-là. Chez moi, ce numéro-là, je l'ai bloqué parce qu'il y avait des gens qui m'appelaient pour me vendre des ordinateurs puis toutes sortes d'affaires. Là. OK. Donc, je vais juste dire au monde, faites attention là, parce que ça a l'air d'un numéro normal, mais c'est automatiquement, c'est du monde qui veulent vous vendre des cochonneries ou qui veulent vous dire que votre ordinateur est plein de virus puis que vous devriez loguer sur leur site puis vous donner leur password pour qu'ils nettoient. Puis OK. Puis numéro de carte de crédit. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il faut. Le super scam qui roulait un bout puis qui roule encore. Là. Ben, c'est une bonne petite attention, Eric. Ouais, merci de la note. Tu, vraiment au Québec, c'est parce qu'on est plus francophone ici. Fait que moi, j'ai pas eu de ces appels-là. Puis je connais pas personne qui en a eu non plus. Fait que. Tu serais surpris, moi, je réponds tout le temps allô ici. OK. Comme ça, souvent le monde raccroche, mais j'en ai pas ni un qui a changé de langue puis qui m'a parlé en français. Là. Oh, ah ben. Ouais, non, il était prêt à me vendre un antivirus en échange de mon compte bancaire. En échange de tous tes avoirs. Tu dis, pauvre gars, déjà ton call, il coûte plus cher que ce que j'ai. ils veulent ton bien et ils vont l'avoir. Le dernier qui est sorti, comme je disais dernièrement, c'est début février. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Personne ne s'attendait vraiment à ça. C'est Dell Voice. Fait que la compagnie Dell qui font... des ordinateurs de plus ou moins haut de gamme. Là. Ils ont quand même des bons et des moins bons PC. On travaille avec ça, me semble. Oui, on travaille avec du Dell, oui. Ben, ils ont des bons PC, ils ont juste eu une couple de cochonneries qu'ils savaient qu'il y avait comme 80% des PC qui pétaient, puis ils continuaient à en vendre pareil. C'est pas eux qui ont acheté. Il y avait pas des batteries qui prenaient en feu aussi. C'est-tu eux autres qui avaient des batteries? Mais c'était pas sur eux. Il y avait beaucoup de monde. C'était tous les gens qui avaient fait faire leurs batteries dans une usine en Chine, dans la même... période, là. Ouais, Sony. J'avais regardé. Ouais, il fallait que tu regardes ton numéro de série, puis c'est ça qui te disait si ta batterie avait besoin d'être rappelée, là. Ou si elle allait exploser dans la face. Parce que ça pouvait être deux ordinateurs du même modèle. C'était vraiment le numéro de série qui disait la date, dans le fond, quand est-ce que la batterie avait été faite, puis ça sortait, ça finissait que il y avait toutes les marques qui étaient affectées, là. Sony, ouais. Dell, tout le monde. Mais celui qu'on entend plus parler, c'était Sony. Parce qu'il y a eu ce brick-là, puis après ça, il y a eu la brique du PlayStation Store qui les a tombé sur la tête. Là. Fait que, mettons que c'était pas vraiment merveilleux pour eux autres, ce temps-là. C'est pour ça qu'on attend pour acheter une Vita. Pas qu'elle explose à cause de la batterie. Fait que c'est ça. Fait que Dell Voice, il y a deux choses extrêmement surprenantes avec le service de Dell Voice. Le premier, c'est que Dell étant une compagnie américaine, ont boudé les États-Unis, puis ont décidé qu'ils feraient ça au Canada seulement. Wow. Fait que c'est, oui, ça a quand même été surprenant. Puis l'autre chose qui est encore plus surprenante, c'est que Dell sont capables de nous offrir des numéros locaux pour recevoir des appels. Fait que comment est-ce qu'ils ont fait la gymnastique d'être capables de faire ce que Google essaye de faire depuis des années en dedans de si peu de temps? Personne ne le sait. Puis connaissent des gens aussi RTC? Peut-être que le papa de quelqu'un est le grand boss du RTC. Avec qui tu dis que se sont associés par les appels locaux? C'est une compagnie. Je ne peux pas la compagnie. Il faudrait que je parte l'application. Si je pars l'application Dell Voice, en espérant que tout ne plante pas. Parce que Dell, étant donné que c'est une compagnie qui vend beaucoup de serveurs, ça pourrait pas être surprenant qu'ils ont fait un deal par en arrière avec Bell ou quelqu'un, leur dire tu sais, moi t'en vends des serveurs pas chers en échange de... Ouais. Tu vois, c'est marqué Powered by Fungo. Fait que je pense que Fungo était une compagnie qu'eux autres avaient peut-être le droit d'avoir des numéros de téléphone au Canada, puis se sont associés avec eux autres. En tout cas, ça donne le fait qu'on est capable d'avoir des numéros pour recevoir des appels au Canada puis au Québec. Fait que avoir un compte avec eux autres, c'est super facile. Vous allez sur le site dellvoice.ca. Vous faites créer un compte. Ils vont vous demander votre nom, votre adresse, numéro de téléphone, un numéro de téléphone résidentiel ou un cellulaire, là, au cas où qu'il y ait besoin de vous rejoindre pour quelque raison que ce soit. Si vous utilisez ça pour faire du spam ou scammer du monde. Puis, après ça, Ouais, c'est toujours pratique d'avoir un numéro qui est pas listé nulle part pour faire des appels frauduleux. Mais fait qu'il demande quand même des informations personnelles. Ensuite, il vous donne un choix de région. Il vous donne un choix de province. Après ça, dans la province, il vous donne un choix de région. Vous avez Québec, vous avez Montréal. Puis après ça, quand vous choisissez Montréal, ben là, vous avez comme Pierrefonds, Pointe-Claire. Vous avez des régions comme ça. Puis vous pouvez choisir un numéro qui est 514. Il vous propose un numéro. Vous pouvez le refuser trois fois en espérant qu'il vous donne un numéro qui va vous accrocher, qui va vous dire « Ah oui, ça va être facile à retenir. » Puis après ça, le numéro vous est attribué. C'est le fun parce qu'il y a l'application PC, il y a l'application Android, il y a l'application iOS. Puis, ils s'en viennent avec une application aussi pour le BlackBerry. Moi, j'attends l'application pour le BlackBerry parce que j'ai un téléphone BlackBerry pour le travail. Ça me permettrait d'avoir le numéro de travail puis d'avoir un numéro plus personnel que je pourrais recevoir des appels aussi quand je suis avec mon BlackBerry sur le Wi-Fi. Fait que c'est assez intéressant. Puis aussi pour placer des appels. Il n'y a pas de frais pour les appels au Canada avec Dell Voice. Pas comme Google Voice, que c'est Canada et États-Unis. Dell Voice, c'est seulement au Canada, mais les appels sont gratuits entrant et sortant. Fait que c'est quand même super intéressant. Puis avec les applications de smartphone, vous pouvez aussi avoir de téléphone intelligent, vous pouvez aussi vous en servir là. Moi, je l'ai installé sur mon iPad, puis j'ai fait un appel avec l'iPad, ça va super bien. L'autre jour, j'ai fait une petite peur à Simon, je l'ai appelé à travers le laptop, puis mon micro-écouteur que je me sers pour faire du Skype, puis je l'ai appelé chez eux, puis ils se demandaient c'était qui. Puis là, j'ai commencé à y parler avant de dire que c'était moi, parce que moi, dans l'évidence, je pensais qu'il le savait. Puis, fait que c'est ça, c'était très intéressant, mais le son était quand même bien. Ouais, mais ça sonne un peu robot. C'est pour ça que j'ai eu de la misère à te replacer, là. Ouais, ça aussi. Mais faut pas oublier que c'est un service gratuit. Fait. C'est ça. Le son est pas parfait, mais le message passe. Le message passe. Puis comme je vais en parler plus à la fin aussi de ça, là, la qualité. Fait que c'est ça. Fait que c'est. Sinon, il y a aussi pour les appels en dehors du Canada, Dell vous offre des blocs de minutes. Puis ça va aussi bas que 2 sous la minute. Fait que c'est pas tellement cher pour faire des appels. Si vous regardez sur le site de Dell Voice, par pays où vous appelez, ils vous donnent combien ça coûte la minute, là, mais ça commence à 2 sous. C'est pas tellement dispendieux. Fait que c'est vraiment moi un service que je trouve le fun. La seule chose que j'ai trouvé un peu plate, puis c'est pas de la faute de Dell, aussitôt que vous allez attacher un numéro de téléphone avec une application iOS, avec un iPad, vous pouvez l'utiliser sur un iPod Touch de dernière génération ou avec un iPhone. Aussitôt que vous l'attachez avec ça, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs. Moi, j'ai pris un numéro. Je me suis dit, bah, j'ai l'application PC, j'ai l'application sur iOS, j'ai un téléphone Android. Je vais utiliser le même numéro de téléphone partout. Puis quand je vais vouloir appeler, je vais pouvoir prendre ce numéro de téléphone-là. Erreur, aussitôt que vous l'attachez avec un appareil iOS, selon la politique d'utilisation d'Apple, puis Dell se fait un plaisir de le mentionner quand vous essayez d'appliquer ce numéro de téléphone sur d'autres choses, c'est interdit. Fait que j'ai pris un deuxième numéro de téléphone, puis ce deuxième numéro de téléphone-là, il est sur mon PC et il est sur mon téléphone Android. Ce qui est le fun avec l'application aussi de Dell, c'est quand vous recevez un appel, puis l'application roule, vous voyez l'afficheur vous affiche le numéro de téléphone qui vous appelle. C'est la même chose sur l'iPad, ça sonne, puis ça vous marque qui vous appelle. Il y a l'afficheur, fait que ça c'est super intéressant. Et il y a une boîte vocale. Faut jouer un peu plus dans l'application pour savoir si la boîte vocale est paramétrable. Parce que pour l'instant, c'est une madame en anglais qui répond, qui vous dit « La personne n'est pas là, laissez un message. » Pamela Anderson? Non, c'est pas Pamela. C'est une madame quelconque. Puis, je ne sais pas si je pourrais enregistrer mon propre message pour que ça soit plus personnalisé. Puis, vu qu'on est au Québec, mais avoir un message de répondeur en français. Je vais jouer un peu plus avec l'application. Là, j'ai pas eu le temps de jouer autant que j'aurais aimé. Mais j'ai fait des téléphones, j'ai reçu des téléphones avec, puis je trouve que c'est quand même bien pour le fait que c'est totalement gratuit. Fait que pour en finir avec le sujet des téléphones par IP, est-ce que le téléphone par IP est une solution convenable pour vous à la maison. Puis là, je parle à part le service de Vidéotron qui est un peu séparé, là. C'est pas nécessairement votre bande passante Internet que vous prenez, c'est vraiment quelque chose à part sur le même fil, mais c'est pas la même bande passante qui se prend. Est-ce que c'est viable? Oui et non. Ça dépend de votre utilisation d'Internet. Moi, ce que je me suis aperçu avec Vonage, c'est un peu pour ça que je l'ai délaissé, mais je sais que c'est pas leur faute, c'est que si vous avez le malheur, parce que nos connexions Internet au Canada, j'imagine c'est pareil à Edmonton que c'est ici, c'est vraiment, on est limité. J'irais pas dire jusqu'à pourri, là, mais c'est vraiment limité. Le taux de transfert vers nous est bon. Le taux de transfert de nous vers l'Internet est pourri. Puis avec ma connexion Vidéotron à la maison, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi c'est vraiment médiocre pour ça. Si j'ai le malheur d'envoyer quelque chose vers Internet, recevoir devient très difficile, puis j'ai des services qui arrêtent de fonctionner. Fait que si j'ai le malheur d'envoyer le podcast sur le serveur pour le rendre disponible, pendant ce temps-là, mon vonnage, c'est bien plate. Le téléphone sonnait, je décrochais, mais il n'y a rien qui se passait, là. La personne à l'autre bout m'entendait pas. Ça coupait. Des fois, moi, ça fait ça chez vous aussi? T'as-tu de la misère avec ton Internet comme ça? Le problème avec ça aussi, c'est si tu veux augmenter ta bande passante, ton upload, ben il faut que tu payes plus, puis rendu à ce moment-là, ça va peut-être pas valoir le prix, tu sais, d'augmenter ta bande passante, tu sais, de payer, je sais pas, 20$ de plus par mois pour t'acheter une ligne de Bell. C'est ça. Ouais, c'est ça, t'es peut-être mieux de retourner au téléphone normal. C'est ça. Fait que, comme je dis, c'est dépendant de votre utilisation. Si vous faites une utilisation normale Internet, le trois quarts du monde télécharge vers eux et envoie très peu vers Internet. Ça fonctionne très bien dans ce temps-là. Je veux dire, je pouvais jouer sur Xbox Live avec la Xbox. Je pouvais télécharger quelque chose d'Internet. Ça fonctionnait super bien. Si j'envoyais, c'est là que ça coupait complètement. Fait que c'est un peu ça qui va affecter la qualité de l'appel. Ça veut dire, si vous utilisez beaucoup de bandes passantes, bien c'est sûr, on a un certain montant qui nous est alloué. Fait que votre service téléphonique est dans la même bande passante que vos téléchargements. Si vous utilisez beaucoup votre bande passante parce que vous téléchargez un démo, puis en plus, vous écoutez un film sur Netflix, ou fait que c'est sûr que ça va couper à quelque part. Puis normalement, c'est là que vous allez voir de la couper, puis de saccader dans votre conversation, dans les services de téléphone IP. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence, que les gens comprennent que le téléphone de Vidéotron, le téléphone comme nous dans l'Ouest, on a Shaw, c'est pas du voice over IP, c'est un téléphone digital, et eux, chez vous, moi j'avais Shaw avant, là, j'ai changé, j'ai TELUS maintenant, mais ils installent deux modems chez vous, un modem pour le téléphone et un modem pour l'Internet, et ce que ça fait, c'est que ça réserve un pourcentage de la bande passante pour votre téléphone. C'est ça. Donc, si vous consommez beaucoup, beaucoup d'Internet, il va tout le temps rester un, je sais pas comment le mec, selon ils ont besoin, là, mais qui est impossible que l'Internet utilise parce que c'est gardé pour le téléphone. Exprès pour le téléphone. C'est ça qui fait que c'est différent d'un système qui est voice over IP. Là. Qui prend la même bande passante, fait que si vous tapez votre limite de bande passante, mais votre conversation va être saccadée, c'est sûr. Ça faut que ça coupe à quelque part. Évidemment, ben, le téléphone normal n'a pas ce problème-là parce que c'est deux fréquences différentes sur le même fil. Donc. C'est ça. Pas de problème avec ça. Fait que c'est ça. C'est les choix que je connais, que vous avez. Comme je vous dis, j'ai été 10 ans avec Vonage, qui est du téléphone IP. Puis à part quand j'ai commencé à envoyer les podcasts sur Internet, j'ai vraiment jamais eu de problème avant ce jour-là. Fait que, c'est-tu ton coup de cœur? Non, ben Vonage était mon coup de cœur jusqu'à temps que je trouve qu'il y ait des services similaires à 30$ par année au lieu de 23$ par mois. Ouch. Puis t'as exactement le même service. Comme je dis, NetTalk ou Magic Jack, t'achètes la boîte, mais Vonage aussi, ça prend la boîte qui va aller se brancher sur votre réseau. Puis, mais avec Vonage, ça me coûtait mensuellement 23$. Fait qu'à chaque mois, il passait un 23$ sur ma carte de crédit pour payer le téléphone. C'est pas cher à comparer d'une ligne à 40$ de Bell Canada pour toutes les options que j'avais, mais c'est quand même un paiement mensuel. Vous pouvez vous débarrasser du paiement mensuel avec Magic Jack ou avec NetTalk. Ce que j'ai oublié de mentionner, Magic Jack, j'ai dit qu'il y avait deux boîtes. Ils ont la boîte seulement PC, ils ont la boîte qui fait les deux. La boîte seulement pour le petit adapteur seulement pour le PC est disponible chez Future Shop, il est disponible chez La Source, il est disponible à plusieurs endroits. La boîte. C'est comme 15$, je pense. C'est même pas cher. La boîte. Non, la boîte est. Tu me fais reculer dans mes affaires. Mais la boîte était 49. Okay. 49. Après ça, c'est 30$ par année, plus 10$ pour le numéro canadien. Mais la boîte à 79 qui fait et sur l'ordinateur et directement branché à votre réseau sans, à votre réseau filaire, votre réseau Internet, là, votre Internet, est pas disponible au Québec. Parce que les instructions, j'imagine, puis la boîte n'est pas traduite en français. Fait que si vous allez sur le site de futureshop.ca, vous regardez les options de téléphone IP qu'ils vendent. Ils vendent le Magic Jack Plus, qui est celui qui fait directement sur le réseau, et le NetTalk. Puis quand vous cliquez sur le Magic Jack Plus, ils vont vous dire... Il y a une petite boîte en bas qui dit « Avis pour les résidents du Québec ». Ouais. Puis quand tu cliques là-dessus, ils disent « Ben c'est plate, si tu veux l'avoir, il faut que tu la fasses livrer en dehors du Québec puis qu'ils t'aillent la chercher là ». Fait que si vous la voulez au Québec, vous pouvez la commander, j'imagine, directement de Magic Jack, qu'eux autres vont vous l'envoyer quand même. J'imagine qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Mais si vous voulez la commander de Future Shop, faut absolument aller la chercher en Ontario ou dans une autre province canadienne parce qu'au Québec, on peut pas l'avoir à cause des lois. Tandis que la boîte de NetTalk, elle se vend chez Future Shop. Ils l'ont en magasin. Si vous allez souvent dans un Future Shop, vous allez aller voir avec les routeurs et ces choses-là. Puis moi, au magasin de Vaudreuil, sur la tablette du bas, il y en avait comme 5 à 59,99. La première année est déjà payée dans la boîte. Fait que vous partez avec ça, vous avez un an de service. Juste à l'activer, demandez votre numéro de téléphone canadien, qui est gratuit aussi. Tandis que Magic Jack, c'est 10$ de plus. Puis vous êtes parti pour un an sans nécessairement de problème. Fait que mon coup de cœur, c'est sûr, je peux pas vous dire, allez pas avec vos nages. Pour moi, le service a été excellent. Le service à la clientèle est bon. Ils ont du service francophone, mais je vous dirais, si vous parlez anglais, allez-y avec l'anglais, là. Francophone, c'est un peu cassé, c'est un peu difficile des fois, c'est un peu difficile des fois à comprendre. Puis quand vous écoutez les menus, appuyez sur le 1 pour le français, c'est plus ou moins là. Mais un coup, vous parlez à quelqu'un, des fois, c'est moins pire. Mais la personne qui a enregistré les menus, là, il aurait pu se forcer un peu. Là. Il aurait pu payer peut-être 10$ de plus, la personne, puis prendre quelqu'un qui parlait vraiment, vraiment français. Fait que, puis mon autre choix, ben j'ai pas le choix d'aller avec le service de Dell Voice. Juste pour le fait que c'est gratuit, c'est disponible sur les téléphones intelligents, les tablettes, votre PC. Je veux dire, vous êtes à la maison... Vous avez probablement un réseau Wi-Fi, vous pouvez faire autant d'appels que vous voulez au Canada, c'est gratuit. Le nombre de fois qu'on appelle en dehors, aux États-Unis ou des choses comme ça, c'est quand même assez rare. Puis souvent, quand on appelle là, c'est un numéro 1-800, ça devrait être gratuit aussi avec Dell Voice. Je vois pas comme... Ça pourrait devenir une solution bien, bien intéressante pour les gens que... Oui, c'est le fun de parler, même si la qualité audio est pas... excellente, mais qu'elle est très correcte, ça fait votre affaire. Et pour moi, Dell Voice, c'est un bon choix, là. Mais c'est sûr, si vous n'avez pas de téléphone intelligent, faut toujours se servir du PC, ça devient peut-être un peu plus tannant. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment se servir de ces services-là, Dell Voice, recevoir des appels, puis en placer. Google Voice, à travers votre ordinateur, faire des appels aux États-Unis qui sont soit 1-800 ou pas, ça coûte rien. Ça serait un bon compromis, mais faut vouloir être un peu versatile. Vous n'avez pas nécessairement toujours utilisé la même chose. Vous êtes capable d'avoir des services téléphoniques qui vous coûtent 0$ au bout de la ligne. Fait que c'est à peu près ça pour mon côté. Ah, ben j'ai la question qui tue. Ah, vas-y. Tous ces services-là, est-ce que tu as déjà essayé de faire des fax dessus? L'autre question, c'est le fameux 911. Toutes les bon, Skype on oublie là, Google Voice aussi parce qu'on reçoit pas d'appel, donc on n'a pas de téléphone, de numéro de téléphone à nous autres. Dell Voice offre le ce qu'ils appellent le E911, là, Electronic 911. Ça veut dire que par le service de Dell, quand c'est ils vont selon l'information que vous avez entrée quand vous avez écrit votre compte, fait que votre numéro de votre adresse, votre code postal et tout ça, ils prennent ça en compte pour en étant votre adresse résidentielle. Si vous faites un appel Wi-Fi au 911 de chez votre cousin, ben ils vont se ramasser chez vous parce qu'ils retracent pas votre position, okay, avec votre numéro de téléphone, votre cellulaire, ils vont à l'adresse que vous leur avez donnée. Fait que c'est pas le 911 qu'on connaît sur un cellulaire régulier ou ce qu'ils connaissent votre position selon votre numéro de téléphone, les taux cellulaires et tout ça. C'est vraiment le numéro de téléphone que vous leur avez donné. Vonage était comme ça. Dell Voice est comme ça aussi. Magic Jack et NetTalk, c'est la même chose. C'est du E911. Fait que c'est selon l'adresse que vous avez donnée quand vous avez créé votre compte. C'était-tu juste le 911, ta question? T'avais d'autres choses? Ben, au niveau des fax. Au niveau des fax aussi, je veux dire, est-ce que ça marche? Ça doit bien marcher, dans le fond, c'est juste un signal téléphonique. Non, Vonage, pour avoir un fax, ça prend un numéro spécifique pour le fax. Je pense que c'est 15$ par mois. Parce que sur la boîte Vonage, il y a deux prises téléphoniques. Fait que vous pouvez déjà avoir deux lignes différentes avec la même boîte de Vonage. Ils ont toutes été faites comme ça. Si vous regardez un peu, là, Vonage, moi, quand j'ai commencé avec eux autres, j'ai acheté un routeur Linksys. Dans mon routeur Linksys, j'avais deux prises téléphoniques. Puis c'était le service Vonage qui était direct avec ça. Après ça, quand mon routeur a rendu l'âme, Vonage ont remplacé ma boîte gratuitement avec une autre boîte qui avait deux prises téléphoniques aussi. Fait qu'avec Vonage, je peux avoir deux numéros. Un numéro de téléphone, puis un numéro de fax, ou deux numéros de téléphone si vous voulez, mais ça prend un numéro différent pour le fax. De toute façon, Eric, là, moi, au niveau des fax, j'ai réussi à en envoyer un au Japon par Internet. Donc, en cherchant dans Google, là, tu tapes « envoyer un fax gratuitement », là, puis tu peux rentrer tes propres commentaires, ou des fois, tu peux même donc joindre une pièce, et ils vont, eux, l'envoyer par Internet. Et la personne va le recevoir sur un fax. Pour la plupart des gens aujourd'hui, les fax, c'est plus nécessaire, puis ces services-là peuvent fonctionner. Mais moi, je pense, mettons comme nous ici, tu sais, on a une entreprise qu'on roule à la maison. Ouais. Donc, les fax rentrent et sortent. T'sais, nous, c'est nécessaire, il faut faire signer des trucs. Puis, le email étant pas légal, en guillemets, pas encore, il reste juste le fax pour avoir des signatures de monde. Donc, ouais. Je sais que pour à la maison, bon, c'est pas grave, là, mais je. Tu sais, des gens, mettons, qui ont une petite entreprise ou travailleurs autonomes qui veulent rouler leur bureau à la maison, des fois, une deuxième ligne téléphonique, c'est impossible parce que ça va manger tous tes profits. Fait que des fois, les gens regardent ce système-là pour avoir une deuxième ligne téléphone pour leur entreprise. Puis entreprise, ça finit tout le temps que tu es obligé d'utiliser des fax à un moment donné ou d'autre. Là. Ouais. Pour Magic Jack, j'ai pas regardé l'information, mais ça doit être sensiblement comme NetTalk. NetTalk, ils disent que c'est bon pour les fax. Tu peux prendre ta même ligne NetTalk pour faire du fax que pour recevoir des téléphones. Fait que j'imagine Magic Jack doit être semblable, mais j'ai pas regardé pour Magic Jack. Mais je sais que NetTalk, eux autres, sur la boîte, c'est marqué que c'est certifié que ça fonctionne avec un fax. Fait que tu pourrais. Fait que c'est à peu près ça. Puis les autres, ben, Dell Voice, j'ai pas regardé. Je pense pas que ça fonctionne avec un fax, mais j'ai pas fouillé. C'est une information que j'ai pas regardé. Je sais que NetTalk, je l'ai vu parce que c'était écrit sur la boîte quand j'ai regardé la boîte. Les autres, j'ai pas regardé l'information. Le fax m'est pas venu à l'esprit quand j'ai ramassé l'information pour le podcast, là. Donc, Eric, c'était vraiment ta question, qui tu es? C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que je peux te dire, pour être sûr, NetTalk, ça fonctionne, les autres, je sais pas. Ah, on va encore avoir ça encore dans 50 ans, le fax. Oui, ça on a... jamais, moi, je vous le dis. On travaille encore avec ça, nous autres. Oui, le fax est encore populaire, mais ça s'en va tranquillement. La plupart des documents, maintenant, qui sont pas nécessairement légaux, sont transmis par attachement dans des emails, dans des courriels. Mais le fax, pour des documents légaux à faire signer, c'est toujours le fax qui prédomine. Avis aux gens de Bell qui patchent justement chez nos clients. Inversez pas les fils, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est tout. Avez-vous des choses à rajouter? Je crois que ça résume quand même pas mal. Là. Ouais, il y a Eric, que tu voulais faire une offre à nos à nos auditeurs. Oui, ben en fait c'était pour le prochain podcast. Je voulais comme peut-être séparer ma chronique en deux ou faire juste une chronique là-dessus, si jamais j'ai le courage de passer au travers du jeu. Je voulais inviter les auditeurs qui ont des jeux. Pas nécessairement qui ont joué eux autres-mêmes, mais peut-être des jeux qui ont entendu parler, qui sont so-so, ou des jeux qui pensent carrément qu'ils sont pourris, de mes envoyer. Et moi, je vais faire le cobaye et je vais jouer au jeu que les gens vont me recommander. Et on va voir si je suis capable de ou passer au travers un, ou à quelle vitesse je vais abandonner. Après la cinématique du début. C'est ça. Ouais, c'est ça, voir à quel point les contrôles. Ou peut-être des fois, les gens, on voit un jeu sur les tablettes, puis on fait... Ça n'a pas eu des super bonnes reviews, mais ça m'intéresse. Ben, je suis prêt à investir un petit peu d'argent. Le prix de location. Pour l'essayer pour vous, puis vous dire oui, les critiques ont raison, ou non, peut-être vous devriez y aller. Donc, mais ça ne me dérange pas si c'est un truc hyper pourri. Mais comme je disais, prenez pas des trucs qui sont vraiment reconnus pas bons. Ouais. Prenez peut-être des trucs que. Tu sais, souvent, il y a des jeux quand on va au magasin qu'on n'a jamais entendu parler, là. Des espèces de copies un peu Game Loft de certains jeux ou tu sais, il y en a tout le temps là, des jeux PC à 10$ chez Zellers. Ouais, c'est ça. Donc faites-moi des suggestions. Ça peut être PC, Xbox ou PS3, c'est les systèmes que j'ai présentement. Okay. Ça peut même être sur iPad aussi, dans le fond. Là. T'as-tu un style en particulier? Non, ça peut vraiment être n'importe quoi, là. Ça peut être. Vraiment n'importe quoi. C'est bon, sens de, dans tous les sens du terme, n'importe quoi. Faites-le souffrir, mais on va vous dire tout de suite, Duke Nukem ne fait pas partie de la liste. Oui, c'est ça. Duke Nukem, ça sert à rien parce que je l'ai déjà essayé aussi. Là. C'est un jeu pourri connu. C'est souvent, des fois, les gens ont joué à un jeu puis ils sont tout seuls à avoir joué à ce jeu-là. Là. T'sais, on a tous acheté un jeu que personne n'a entendu parler. Ouais. Puis c'était plus ou moins bon, là. Donc, envoyez-moi ça, puis je vais essayer de les retracer, puis je vais me torturer à jouer à du shovelware. Puis dire au monde si vraiment c'était pourri ou si c'est un jeu qui vaut peut-être le 5$ qui est rendu dans la grosse bin pas loin de la caisse chez Future Shop. Là, ouais, c'est ça. Exactement. Ou à la caisse chez Canadian Tire. Parce qu'il y a tout le temps le jeu qui est sur la tablette chez EB Games, qu'à chaque fois qu'on y va, il est encore là, puis que personne semble l'acheter. Puis que le gars s'amuse à dépoussiérer tous les matins quand il débarque la porte du magasin. Qu'on voit qu'il y a 4 collants de prix réduits un par-dessus l'autre. Là. C'est ça. Donc, c'est ça. Envoyez-moi ça, puis je vais m'essayer. Comme je t'ai dit, j'en ai un, moi, à te suggérer. Tu l'essayeras si tu voudras. Puis s'il y a du monde qui veulent vraiment souffrir avec toi, essayez ça. C'est un jeu qui est disponible sur la Xbox 360 parce que moi c'est là-dessus que je l'ai joué. Je pense qu'il est disponible aussi sur la PS3 puis sur la Wii. C'est Looney Tunes Acme Arsenal. Fait que si vous voulez vraiment un jeu de caméra pourri, un jeu avec pas vraiment d'histoire où ce qu'on fait juste tirer des bébites random en allant dans des niveaux plus ou moins bien faits, c'est le jeu pour vous. Space Invaders est encore mieux. Ouais, ça c'est. Acme Arsenal, c'est vraiment. J'avais acheté ça parce que c'était un jeu de Looney Tunes, puis quand j'étais jeune, puis beaucoup de gens de mon âge ont bien aimé grandir avec Bugs Bunny, puis la gang de personnages de Looney Tunes. Fait que je l'ai acheté et je l'ai regretté dès la première heure de jeu. Mais je l'ai fini pareil, fait que je me suis dit, j'ai payé 29$ pour m'en finir. Ça, c'est souvent ce qui arrive. On veut rentabiliser notre argent. Ouais. T'sais, au moins, je vais passer à travers puis je vais pouvoir vraiment savoir qu'il est pourri jusqu'au bout. Mais Microplay rachète tes jeux. Ouais, mais je l'ai revendu aussi, ce jeu-là. Je pense qu'ils m'ont donné 2$ pour quelque chose comme ça. Ouais, mais les jeux qui sont dans le bin à 5$ à l'épicerie, ils reprennent pas, malheureusement. Ouais, c'est ça. Des fois, y a même eux autres n'en veulent pas. En tout cas, si les gens veulent nous envoyer ça, tu vas pouvoir donner le email de C'est juste un autre podcast. Puis sinon, sur Twitter, les gens peuvent me l'envoyer aussi. À Chenby. En tout cas, vous allez voir le lien sur le site. Là. Si vous allez dans Au-delà du processeur, mon lien. Là. C'est ça. Fait que si vous voulez envoyer ça par courriel, c'est cguapodcast@gmail.com. Je vais essayer de mettre un formulaire que vous pouvez remplir là, pour justement nous envoyer des suggestions sur le site dans la semaine qui suit. Fait que vous pourrez nous envoyer ça directement du site en remplissant le formulaire. Nous autres, on va compiler. Puis si on a plusieurs fois le même jeu, ben ça sera la sélection. C'est ça. Mais comme je vous dis, Duke Nukem n'est pas éligible parce que tout le monde sait que c'est pourri. Fait que là-dessus, on va terminer ça. Merci beaucoup, Eric, de ta présence à ce premier podcast pour toi. C'est terminé, pas trop souffert? Ah, beaucoup, beaucoup. Il y a du sang partout ici. Ça gicle. Puis Simon, merci beaucoup à toi aussi. Merci à vous deux. Puis on va, vous allez pouvoir nous réentendre dans environ un mois avec le podcast régulier. N'oubliez pas aussi que je fais Histoire de Gamer avec des invités différents une fois par mois. À date, si vous n'avez pas encore écouté, le premier c'était Dart Sim de Factor Geek, le deuxième Bruno Georget de Rétro Nouveau et de Monsieur Net. Et mon prochain, qui devrait être enregistré la semaine prochaine, c'est Maxime Tremblay de L'Épée Légendaire. Après ça, si tout va bien, le prochain invité devrait être Tristan Geoffroy de l'émission Monsieur Net aussi. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se revoit dans un mois. Au revoir. Bye, merci beaucoup. Ciao, ciao.